Vous êtes assez fou. 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui, Assemblage Reiki. Sébastien F. Gertin mettra un autre de ses célèbres bulletins Gertin et Frédéric Bernard parcourra les contrées lointaines d'Internet dans Google Club. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en ce mercredi 11 novembre 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Tania Baudin a malheureusement congé maladie aujourd'hui. On lui souhaite de s'en remettre le plus rapidement possible. Elle a des petits problèmes. Elle doit se soigner. Elle dort en ce moment. Elle écoute même pas. Elle dort. Donc, on lui souhaite ça. Et j'allais dire que peut-être qu'elle avait oublié de se présenter. C'est le jour du souvenir. Hein? On peut oublier des affaires dans ce temps-là. Mais non. Donc, bonjour, bienvenue à l'émission aujourd'hui. On a quand même deux chroniqueurs qui vont meubler assez bien la place. J'aurais pas trop à m'en faire avec ça. On a Sébastien F. Gertin avec son bulletin Gertin qui s'en vient à 8h. On parle d'actualité un petit peu partout dans le monde. Et ensuite, à 8h30, Frédéric Bernard et Google Globe qui lui explore Google. Pose une question. L'autre fois, ça sur les chats. Ça peut être quelque chose de vraiment absurde. Donc, à 8h30, on va peut-être avoir des réponses. Autour de ça, ben moi, je vais faire ma chronique maison du mercredi. Ça existe ou ça ne devrait pas, on l'a. Dans quelques instants, ça va commencer comme ça. Plate un peu, pas de référence drôle, j'aurais pu imiter Tania, genre « Ah oui, j'ai mes charmes! » Mais non, je le ferai pas. Alors, on commence en musique, avec un extrait que je vous ai choisi, et non pas Tania comme elle le ferait d'habitude, mais je lui dédie cette pièce-là. Voici Ponctuation. Mon cœur est une planète. Assemblage Reiki. We'll be right back. Ponctuation et mon corps est une planète en 19e position francophone des palmarès, c'est fou. Vous êtes à Assemblage Requis, il est quoi, 7h41 et l'émission débute souvent, le mercredi, en s'achetant des gadgets, c'est le fun ça. Voici si ça existe, mais ça ne devrait pas. Mais ça ne devrait pas, on l'a, la chronique des gadgets ridicules qu'on achète sur Internet. Commençons avec l'endroit parfait pour les gens qui n'aiment pas quitter leur lit le matin. Un peu comme notre amie Tania Baudin qui est malade aujourd'hui, qui a un problème, là, cage thoracique, un truc comme ça, là, ça va pas bien son affaire. Elle doit se reposer aujourd'hui et peut-être que ce lit-là pourrait être la prescription parfaite. Hein? C'est le Kotatsu. C'est un lit apparemment traditionnellement japonais. C'est une... une table? On va dire ça comme ça, une table avec un élément chauffant qui est couvert, ben qui est couverte, la table, d'une grande douillette et d'une table par-dessus pour accueillir, par exemple, ton déjeuner. Donc, c'est comme un genre de grand carré avec des coussins de divan autour, la table au milieu où tu peux t'asseoir, genre en indien, comme on dit, ou encore te coucher et après se mettre ta douillette par-dessus. Il y a la table qui est sur le dessus complètement qui va servir à mettre des choses. Simple. Donc, les designers modernes ont donné au Kotatsu un petit repimpage, si on veut. Et c'est devenu l'endroit ultime pour jouer à des jeux vidéo, travailler, dormir et relaxer. Pour ceux qui travaillent à la maison, particulièrement, ça pourrait être vraiment bien. Et ce qui est le fun, c'est que ben, tu peux te coucher, tu peux prendre les coussins qui sont tout autour et les déplacer parce que c'est pas un divan normal avec un dessous. Le plancher est dans le fond ton divan. Et ensuite, t'as comme un petit coussin pour mettre tes fesses et un coussin pour t'accoter le dos. Et tu peux changer le coussin de place. Donc, tu pourrais, par exemple, te coucher sur le ventre en dessous de la table du haut et lire un livre. Puis derrière toi, t'aurais ton petit beignet, ton petit café, des trucs comme ça. C'est un peu visuellement difficile à expliquer, là, mais pensez à deux tables une par-dessus l'autre et en sandwich, c'est toi dans le milieu, avec ta grosse douillette qui fait partie de la table. Ça coûte 19 900 yens. Ça, c'est environ 165 $ américains, donc presque le double pour le Canada. Environ peut-être 200 quelques dollars. La côte à-dessus. Ensuite, protégez votre papier de toilette de vos chats des attaques de félins avec un appareil imprimé en 3D. Donc, on peut pas l'acheter tel quel pour l'instant. C'est les ingénieurs chez Thingiverse. John Lawrence, en fait, Monsieur John Lawrence, qui a utilisé son imprimante 3D pour créer un appareil efficace et simple pour sauver le papier de toilette de son chat préféré. Donc, c'est le Kitten Proof Toilet Paper Guard, qui est en fait un couvercle de plastique avec une porte coulissante qu'on installe par-dessus le rouleau de papier de toilette. C'est facile à ouvrir par des humains, hein, mais ça exploite la plus grande faiblesse des chats et de certains humains. Hein, y a une maladie, syndrome ou quelque chose comme ça, où t'as pas de opposable thumbs, donc de pouces qui sont opposés aux autres doigts. Et ben les chats n'ont pas ça, et c'est ce qui fait que tu peux pas l'ouvrir parce que tu peux pas faire le mouvement de pince avec tes doigts. On peut l'imprimer en 4 parties, c'est facilement assemblable. Y a une petite vidéo de démonstration comment fabriquer tout ça sur assemblagerequis.com, mais vous pouvez vous procurer les modèles en 3D sur le site aussi. Ensuite, une compagnie de tatou temporaire qui va imprimer n'importe quel design pour que vous puissiez décider si vous voulez le tatou de façon permanente, si vous avez peur de l'engagement. Hein? Momentary Ink est une compagnie de tatou temporaire qui imprime absolument n'importe quel design, vous pouvez leur envoyer. Les tatous sont supposés avoir l'air de vrais tatous, même s'ils ne seront pas brillants, ils n'auront pas l'air, apparemment, qu'ils ont l'air un petit peu humides après s'être fait tatouer. Ça dure entre 3 et 10 jours, ça coûte environ 15 $ américains pour un design de 4 pouces, 19 $ et plus pour. Non, pardon, 19 $ pour jusqu'à 8 pouces et 21 $ pour 8 pouces et plus, toujours en dollars américains, bien sûr. En le regardant sur assemblagerequis.com, moi, je ne ferai pas la différence entre un vrai et un faux. J'ai jamais regardé un tatou de très très près. J'imagine que les vrais fans de tatou pourraient faire la différence, mais pourquoi ne pas l'essayer, faut regarder dans le miroir. Tu sais, on dit des fois que quand on se fait faire quand on veut se faire faire un tatou, on peut imprimer le design, le mettre sur un cadre dans sa chambre, quelque chose comme ça, ou le traîner avec toi tout le temps, pour le voir le plus souvent possible, pour voir si tu vas te tanner. Ce genre de choses-là, ça pourrait être utile. On a parlé tantôt de se reposer sur une table, pourquoi ne pas se reposer sur un faux balcon qui est une fenêtre? Ah, mais aller prendre une sieste à la fenêtre, ça a l'air bizarre du même, mais c'est More Sky Windows qui donne aux appartements ce qu'il y a de mieux en deuxième place derrière un balcon. Parce que si t'as pas de balcon dans ton appartement, ben Colin, tu peux pas t'en faire poser un comme ça en claquant des doigts. C'est l'architecte de l'Argentine, Aldana Ferrer Garcia, hein, qui a créé une fenêtre extensible qui peut aider les gens en petits appartements à avoir plus de soleil. Donc les fenêtres More Sky s'extensionnent vers l'extérieur, un peu comme un accordéon, pour créer un genre de petit compartiment ensoleillé. Donc t'as ta fenêtre qui est évidemment flush avec le mur, et un peu comme un accordéon, ça va se déplier vers l'extérieur en trois triangles, si on veut. Et t'es couché dessus, sur le dernier triangle, ta tête s'accote sur le triangle, et la fenêtre, étant donné qu'elle est extensionnée vers dehors, t'as les rayons du soleil qui te plongent un petit peu plus sur le visage. Ça a l'air, il me semble que c'est clair. Donc ça suit les règlements de construction de Brooklyn. Ça peut être adapté à d'autres endroits. Et Garcia dit que ça fournit, donc ça vous donne un soulagement visuel. Ça vous fait accéder à la lumière du soleil et ça vous donne de l'air frais. Tout ça pour les petits appartements. Espérons-le tester pour les mesures de sécurité aussi, donc pas juste pour la construction et l'apparence visuelle vue de l'extérieur. On voit sur les photos sur assemblagewiki.com un bloc à Brooklyn, en effet, où les briques ont l'air particulièrement... il me semble que ça a l'air crasse un peu comme quartier, mais la fenêtre... More Sky, elle a de la classe. De crasse à classe, Bandai va sortir des figurines pour aider les artistes à dessiner de l'action d'anime japonais. Donc c'est leur lignée SH Fig Arts. C'est des figurines qui ressemblent à des dessins animés japonais. Donc t'as Bodhi-kun et Bodhi-chan, donc pour hommes et pour femmes. C'est des articulations à 30 points. Donc habituellement sur une figurine tu pourrais faire bouger les jambes, les bras, la tête peut-être les mains. Mais là, avec 30 points d'articulation, pour les poses naturelles, une variété de positions disponibles. Et bien sûr là on parle torse, hanche, genou, avant-bras, poignet, tout ce que vous pouvez imaginer peut bouger sur ces figurines là. Et ça vient avec une variété d'accessoires et de morceaux comme des fusils, des épées. Donc en fond, si on veut dessiner pour une bande dessinée des personnages en train de se battre, pour avoir l'air plus réaliste sans avoir à faire souvent les poses ou à engager un ami pour faire les poses devant toi pour pouvoir mieux dessiner les jointures et les articulations, ben la figurine va faire le travail pour vous pour faire la meilleure bande dessinée possible. Voilà, donc c'est les SH Figuarts, F-I-G-U-A-R-T-S. Vous avez sûrement vu la plus récente bande-annonce du plus récent Star Wars. Vous connaissez le robot BB-8, hein? Le petit robot qui est compris d'une boule, on dirait une boule de quille qui roule sur elle-même et ensuite une demi-sphère sur le dessus qui sert de tête. Il y a seulement le bas qui bouge. Tout le monde veut se procurer ce jouet-là. Pourquoi ne pas acheter une lampe pour votre bureau qui s'appelle la BB-8 Desktop Lamp? Hein? Réveillez la force un peu. Donc la BB-8 Desktop Lamp fait 8 pouces et demi de haut et envoie de la lumière sur le sujet de votre choix. Que ce soit vos devoirs d'algèbre ou l'astro-navigation, nous dit la compagnie. Sa lumière est LED à l'intérieur de la tête qui va briller vers le bas via un diffuseur. Et si on tape sur la tête de BB-8, ça va changer pour 3 modes de luminosité différents. Donc t'as blanc naturel, t'as ambre et t'as un blanc plus chaud. Voilà. Et c'est parfait aussi, comme il y a un mode pour vous aider à vous endormir, donc une petite lumière qui va graduellement descendre. Je vais voir des photos sur assemblagewiki.com et ça coûte 40$ américains. Ensuite, on a parlé de chat tantôt qui essaie de voler votre papier de toilette pour faire je sais pas c'est quoi, c'est certainement pas pour s'essuyer les fesses. Donc, les chats de bataille peuvent maintenant avoir leur propre armure de chat imprimée en 3D. Les chats se battent, je pense que c'est un fait qu'on connaît sur les chats. C'est une armure donc de chat imprimée en 3D d'un enthousiaste de l'impression en 3D, Jay Wall. Chez Print That Thing, on peut télécharger le design sur Thingiverse via le site de l'émission pour imprimer votre propre armure. Et c'est bien sûr une armure qui va sur le dos de votre chat avec des pics sur le dessus. Et c'est fait en plastique, comme le veut la tradition de l'impression 3D. Et ça vient s'attacher à l'avant sur sa cage thoracique. Hommage à Tania Baudin qui a un problème de cage thoracique en ce moment. Donc le chat, ça va venir le serrer par l'avant et en arrière. Il va avoir l'air plus d'une Ninja Turtle, d'un lézard, je dirais. Ça ressemble à un lézard, il me semble. Voilà, il y a une petite vidéo de démonstration aussi sur le site. On reste dans la défense et on reste enfin un petit peu dans Star Wars, comme tout à l'heure. C'est des sabres laser lumineux qui s'allument, s'éclairent pour vrai et qui sont faits en mousse. Et c'est une compagnie canadienne. Lightsaber, on sait, c'est très, très, très cool. On a déjà vu les Hasbro FX Sabers, mais on se dit qu'on pourrait peut-être blesser quelqu'un ou encore même briser le sabre si on était trop violent avec. Donc, Calimacil, une compagnie au Canada, je crois même que c'est au Québec, si vous m'avez bien d'avoir lu un article en français récemment là-dessus, a l'air d'avoir la solution à ce problème-là. La compagnie fabrique des armes pour les jeux de rôle grandeur nature, qu'on appelle. Maintenant, ils viennent de lancer un Kickstarter pour fabriquer leur LED Saber. Donc, c'est un sabre laser de mousse brillant, lumineux, avec lequel on peut vraiment se battre. Tout ce qu'il y a de mécanique est dans la poignée du sabre laser, dont le motion sensor et les effets sonores. Il y a des versions plus chères qui vont avoir une connectivité avec votre téléphone cellulaire et des lames, l'embout qui va pouvoir changer de couleur. Les modèles vont de 172$ américains à environ 383$ américains pour une seule lame, avec le shipping qui est prévu pour le mois de mai 2016. Vous pouvez aller voir LED Saber sur Kickstarter pour en savoir plus. Il y a une petite démonstration encore une fois sur le site. Comme pour la plupart des gadgets, ils ont déjà dépassé leur but. Ils demandaient 50 000$. On s'est rendu à presque 80 000$ en date du 11 novembre en ce moment. Et il reste encore 21 jours. Ça va super, super bien. Et d'après moi, là, ça va dépasser là, pas mal le double. Ça va se rendre au-dessus du 100 000$. Calimacil Foam LED Saber. Ensuite, une autre arme, tiens, pour empêcher Big Brother d'envahir votre vie privée et celle de votre famille en protégeant le ciel autour de votre maison avec cette arme qui défend contre les drones. Ça utilise les fréquences radio, en fait, pour empêcher les signaux de se rendre jusqu'aux drones. Ça va donc effectivement faire tomber les véhicules autonomes à plus de 400 mètres de distance. Donc, on dirait un fusil, on dirait un vrai gun. Bazooka, genre, je connais pas assez les armes pour vous dire quel modèle, mais à l'avant il y a comme un petit, même un gros cône, presque, je dirais un porte-poussière. Si quelqu'un m'avait dit que c'était littéralement un porte-poussière qui servait à ça, qui avait juste modifié, je les croirais. À l'avant t'as comme une genre de chainsaw ou une genre d'antenne avec des lames, et tout ça envoie quelque chose qui empêche les ondes d'être diffusées, et ça fait tomber les drones. Ensuite, on parle de nourriture un petit peu avec des fraises couvertes de chocolat belge. Oui, surprenez votre collègue, amoureuse, amoureux, peu importe la personne de votre vie, la personne que vous avez, sur qui vous avez un kick non réciproque. Donc, avec une batch de fraises couvertes de chocolat belge, qu'est-ce qu'il y a de mieux dans la vie que des fraises et du chocolat belge? Mettez-les ensemble, smoosh, ça crée l'amour, les étincelles instantanées, voilà. Donc, il y a de grosses fraises bien dodues, nous dit-on, couvertes donc de haut en bas de cette riche couverture de lait au chocolat, de chocolat au lait, de chocolat noir ou encore de chocolat blanc pour 15$ l'ensemble. Vous pouvez trouver ça sur awinone.com ou encore sur etsy.com, sur la boutique de Naughty Little Peanut pour 20,42$ canadiens. On peut sélectionner une taille dans le sens d'une demi-douzaine, une douzaine ou deux douzaines de fraises recouvertes de chocolat. Évidemment, spécifiez le chocolat que vous aimez le plus ou encore que la personne que vous aimez aime le plus. On n'a pas de mauvaise surprise avec du chocolat noir que la personne n'aime pas. Pour les fanatiques d'Internet qui essaient d'arrêter ou de au moins couper l'engrais, on peut peut-être passer moins de temps sur Internet pour vous encourager peut-être. C'est un petit rappel que vous êtes en rémission avec l'Internet Addiction Recovery Token. Oui, un token, un petit jeton, si on veut, un peu comme dans les AA. Qui va vous aider peut-être à avancer, à cheminer dans les étapes. Je sais pas s'il y a 12 étapes. Moi, c'est le problème que j'ai avec les AA, c'est les étapes religieuses, de demander pardon à CPS. Je pense pas qu'il y a 12 étapes pour la rémission d'Internet. Sûrement quelqu'un en a écrit à quelque part, mais ça vaut 2,50$ pour ce petit jeton. Un seul jeton, oui, exactement, un seul jeton. Tu peux avoir 5 jetons pour 10$ sinon. Et ça mesure 1,5 pouces de diamètre en plastique. Environ 1,8 de pouce, pardon, d'épais. Voilà, pour ceux qui sont accros à Internet. Ensuite, Beeline va changer la façon que vous utilisez les appareils de navigation sur votre vélo. On a déjà parlé plusieurs fois de différents systèmes de gants qui clignotaient, de casques qui clignotaient. Là, c'est pas la même chose. C'est assez différent et moi, ça m'intrigue encore plus. C'est sur le guidon. Hein? Donc, on a plusieurs options pour trouver sa destination, que ce soit un GPS ou votre téléphone cellulaire. Mais ça vous enlève peut-être la liberté d'aller où vous voulez aller. Vous êtes obligé de suivre le chemin, et si vous ne suivez pas le chemin, ça va faire recalcul de l'itinéraire. C'est un petit peu emmerdant. Donc, Beeline approche les choses complètement différemment. Ça utilise votre GPS, oui, effectivement, pour savoir où vous êtes, mais ça va seulement vous pointer dans la direction de votre destination et ça va vous dire la distance que vous avez à faire. Donc, la route que vous prenez, c'est complètement vous qui décidez. Hein? Donc, la distance va évidemment augmenter ou s'abaisser, on va dire comme ça. Vous allez savoir donc que vous allez dans la bonne direction, mais vous avez la liberté complète de faire ce que vous voulez comme chemin. C'est aussi plus sécuritaire parce que vous n'aurez pas la pression de tout le temps tourner au bon endroit et un certain nombre de mètres tournés, ça vous donne la pression si vous n'êtes pas du bon côté de la route. Ça enlève du stress, ça se met sur votre guidon, c'est pas trop dérangeant, ça consomme très très peu de courant, donc vous allez pouvoir passer plusieurs mois entre deux charges. Et via l'application, vous pouvez choisir votre destination, acheter des points importants comme un dépanneur, un magasin que vous voulez visiter, une petite boutique. Et le reste est assez intelligent pour savoir où vous vous en allez, voilà. Et vous pouvez aussi lui demander d'utiliser les ponts, par exemple, ou de pas utiliser les autoroutes, des trucs comme ça. Un appareil vraiment cool, 60$ sur la page Kickstarter pour avoir votre propre gadget Beeline, et ça va être disponible à partir de août 2016. Ensuite, on parle tout le temps, au moins une fois par semaine, dans cette chronique-ci, de coloriage pour adultes. Pourquoi ne pas acheter des crayons qui sont à scratch and sniff? Hein? C'est une bonne idée, ça. Donc, des crayons de bois, tout ce qu'il y a de plus classique, mais avec une odeur. C'est des crayons parfumés. Par exemple, ici, je vois vanille, chocolat, melon d'eau, orange, ananas, noix de coco, pomme, pêche, raisin et plusieurs autres qui sont écrits trop peur pour que je puisse le lire sur mon moniteur. 15,94$ pour l'ensemble. Des saveurs exotiques. C'est le fun, au melon d'eau, là, j'aurais vraiment envie de te scratcher ça. Va te scratcher le crayon. Scratch, Sketch and Sniff est le nom. Ah, c'est ça, ça disait Scratch and Sniff sur l'article, mais c'est Sketch and Sniff. Et ça, c'est un jeu de mots. Et il faut que je souligne les jeux de mots avec un crayon au melon d'eau. Ensuite, le Deep Choker. Oui, on se rappelle tous des colliers Choker dans le temps. Deep Choker, c'est pour la manœuvre de Heimlich, mais lorsque ça ne fonctionne pas, quand vous voulez passer à la prochaine étape. On sait que s'étouffer, pas nécessairement une bonne chose. Il y a bien des gens qui ont la phobie de s'étouffer lorsque seul dans votre appartement. Je peux te dire que j'ai des fois cette peur-là. Si ça m'arrive, si je mange du popcorn, puis je m'étouffe, puis je meurs, c'est plate, ça. Hein? Donc, une des choses les plus horribles, une des façons les plus horribles de mourir, on connaît tous la manœuvre de Heimlich. On peut s'appuyer contre une chaise, faire soi-même ce mouvement-là, chercher sur YouTube, il y a plein de démonstrations. Mais si ça fonctionne pas ou que vous savez pas comment le performer, quoi faire? Ben, le Deep Choker est un produit qui est supposé ajouter à ça pour ceux qui n'ont pas de connaissances. Donc, c'est une pompe avec effet vacuum, effet d'aspiration, qu'on place par-dessus la bouche de la personne pendant que la personne est sur le dos. Donc, là, dans ce cas-ci, c'est pour une deuxième personne qui serait pas la victime elle-même. Donc, on tire sur le levier, j'irais peut-être. C'est pas vraiment un levier, mais c'est sur. Un truc à tirer, finalement. Et c'est supposé enlever ce qui bloque les voies d'aération avec l'effet vacuum. Hein? Et ensuite, on place la personne sur le côté jusqu'à ce qu'il s'en remette. Un outil très, très intelligent. Parfait pour un kit de premiers soins. J'ajouterais ça certainement dans une petite boîte de premiers soins. Et ça vaut le prix quand même astronomique de 150$ qu'on demande pour le D-Choker. Bon, donc c'est ça. C'est pas pour les personnes seules, mais bon. Je vais mourir seul. J'espère qu'ils vont inventer un gadget pour les gens qui sont... Bref, recyclez votre papier maintenant en créant votre propre carnet de notes avec votre papier à recycler. Ça s'appelle le Paper Saver. Très bonne idée, très très verte et qui offre évidemment un paquet d'options de personnalisation parce que c'est votre propre papier. En fait, c'est un carnet de notes fait de faux cuir, disponible en trois couleurs. Je vois ici le noir, le bleu et le rouge. Ça vient pas du tout avec ces pages. Ce que vous avez à faire, c'est prendre une pile de feuilles, entre 40 et 50 feuilles A4, donc 8,5 par 11, qui ont déjà été imprimées d'un côté. On les empile pour que le côté imprimé fasse face vers le haut. On plie ça en deux et on glisse ça dans le petit carnet de notes du bon côté de la couverture. Et maintenant, on a un carnet de notes de 80 à 100 pages, évidemment entre 40 et 50 pages multipliées par deux. Une très bonne façon de recycler votre papier à la place de seulement mettre ça dans l'armoire et jamais vous en servir comme on fait ici au bureau. On avait une rédactrice en chef très très verte qui faisait des petits post-it, genre, elle découpait les feuilles en genre 8 à 10 carreaux. Je trouvais donc ça intelligent, mais tu sais, faut prendre le temps des fois de faire ça. Voilà, sinon c'est un produit australien, on peut utiliser du papier américain ou du papier canadien. Je pense que le 8,5 par 11 tient pareil la route. Je pense que le papier, en fait, il n'est pas la même grandeur là-bas, donc faut faire des carrés, faut peut-être couper un petit peu sur le bord la feuille pour que ça rentre dans le carnet. Bref, on peut acheter ça, le Paper Saver, les couvertures pour 20$, moins de 20$, ça inclut le shipping aux États-Unis. Le site est papersaver.com.au, vu que c'est en Australie. S'ils acceptent d'envoyer ça en Australie, ça ne me surprendrait pas qu'ils acceptent le Canada. Mais je ne prendrai pas le temps d'aller voir pour vous. Papersaver.com.au, les photos sont super belles. Et ça vous montre vraiment comment placer le papier dedans si vous êtes pas assez auditif. Peut-être que vous êtes aussi visuel que moi. C'est ça, je suis un gars super visuel. Il faut qu'on fasse un dessin, il faut qu'on me montre les affaires. Mais je fais l'émission de radio et je dois essayer de m'adapter au public qui est probablement majoritairement auditif. Je sais pas, je vous connais pas et encore une fois, je vais pas vous le demander un par un parce que ça pourrait être là. Les liens sont sur assemblagerequis.com pour cette chronique de Ça existe, mais ça ne devrait pas. On s'en fera une autre probablement demain parce que j'ai commencé à aimer ça faire la chronique le jeudi lors du jour de paye. On prend une pause. Au retour, c'est Sébastien F. Guertin et son bulletin Guertin. Restez là. C'est fou! Vous êtes assez fou! Pour plus d'informations, visitez cfou.ca 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Requis en ce mercredi 11 novembre 2015. Tania Baudet a toujours congé de maladie aujourd'hui. Moi, c'est Mathieu Plante. Alors, on accueille Sébastien F. Guertin qui, Caroline, n'aura pas les questions tellement intelligentes de Tania Baudin. Je vais être forcé à t'en poser plein moi-même. C'est triste parce que je voulais vraiment parler de char à matin. Ah oui, c'est ça. T'as l'exhaust qui fume... Exactement. Du bon, comme on dit. Donc Sébastien Guertin qui est là et qui va vivre des malaises comme ça avec moi tout le long de la chronique parce que Tania n'est pas là pour m'en empêcher. Voici le bulletin Guertin. Bonjour officiellement, Sébastien Guertin. Bonjour officiellement. Oui, c'est le but de Guertin où on parle d'actualité, des fois québécoise, des fois canadienne, des fois nord-américaine, des fois internationale. Des fois, on le sait pas. C'est pas obligé d'être catégorisé non plus, là. Sinon, c'est rien pendant tout, c'est rien, tu vois. C'est rien, comme quelque chose en série, tu sais. Ben oui. Ou en série. En série, oui. C'est un bulletin en série. C'est vrai. Une série. François en série, la sitcom avec Chonchon Patente puis l'autre, le Breton. Hey, ça fait même pas une minute que j'ai commencé à parler. Je m'ennuie déjà de Tania parce que d'habitude, elle nous ramène quand on passe sur des chires comme ça. C'est ça. C'est triste. Ouais, mais bon, que voulez-vous. Donc aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on parle, Sébastien Pierre? Ben, ça va être vraiment drôle parce que. Ben, vraiment drôle. C'est que quand j'ai préparé ma chronique hier, on s'entend, je ne savais pas que Tania était malade. C'est ça. On l'a su hier dans la nuit, à peu près. Puis bon. Parce que. Tu sais, une couple de semaines, j'ai fait allusion à une page sur Facebook qui s'appelle « Décider entre hommes ». Ouais, ouais. Puis que c'est des... juste pour rappeler, c'est dans le fond, c'est une page Facebook et un compte Twitter. On sait pas trop c'est qui administre ça. Mais en gros, le concept, c'est qu'ils prennent des photos de différents... Tu sais, des photos officielles de... Mettons, d'un quelconque congrès de quelque chose ou d'une d'une assermentation d'élus municipaux ou de n'importe quoi, ou de, tu sais, mettons, une rencontre, un sommet sur un sujet social ou n'importe quoi. Puis, ils prennent la photo, puis c'est tout le temps assez frappant comment est-ce qu'il n'y a pas de femmes ces photos, c'est juste des hommes. Puis là, il y a des fois, entre autres, c'est carrément des affaires qui touchent les femmes. Puis là, tu te dis, bon, ben ça se décide en homme, ben coudon. C'est tout le temps par des coups, ben coudon. C'est tout le temps ben coudon. C'est ça. Ça s'appelle décider entre hommes. Puis, moi, hier, ne sachant pas évidemment que Tania serait malade, ben moi je cherchais un sujet de chronique, je me suis dit la sermentation des ministres là, fédéraux que dans le fond c'est la première fois au Canada que le cabinet des ministres est paritaire, c'est-à-dire exactement que c'est 50-50. 15 hommes, 15 femmes. Ouais. Il y a un homme de plus si on compte le premier ministre Justin Trudeau. Oui. Mais maintenant si on l'enlève lui, c'est 15-15. Il y a 30 ministres. Il aurait fallu voter pour un premier ministre hermaphrodite, le premier. Ça aurait été parfait. Oui. Ben, prochaine fois. Peut-être que Justin, il l'est, dans le fond. Ah, on le saura jamais. On le sait pas. Il devrait s'assumer s'il l'est. Ben, je sais pas. Je sais pas si ça serait bien vu. Hein. Moi, je me demande. Il y aurait clairement du monde qui aurait un problème avec ça, même si c'est pour des mauvaises raisons. C'est vrai, mais tu sais, Barack Obama est noir depuis 8 ans, ouais. Minimum, de sa vie. Puis ça pose encore problème pose à des encore gens. Problème. Mais il est pas mort. Yet. Une chance. Moi, ça d'ailleurs, parenthèse, on faisait des farces quand il a été élu avec des gens, parce qu'il y a vraiment des gens que je connais qui ont vraiment pris des paris. Ça va prendre combien de temps avant qu'il se fasse assassiner? Ça, c'est louche. C'était des questions de mois, souvent. Ah, oh boy. Mais non, finalement, il a survécu. Oui, fait que bravo! Soit il est plus... Ben... Ouais, ben tu sais, il y en a qui disaient, il y en a qui voyaient ça, qui se disaient, tu sais, il y en a des Américains qui veulent vraiment rien savoir d'un noir comme président. Mais en fait, je pense que là-dessus, c'est les sous-estimés. Je pense que les mentalités évoluent. Le candidat républicain, donc de l'extrême droite, là. Ouais. Tu sais, parce qu'aux États-Unis, il y a deux partis. Il y a les démocrates, que c'est comme des libéraux, mais très à droite. Ouais. Puis il y a les républicains, que c'est comme les conservateurs, mais encore plus ridiculement à droite. Ouais. Fait que. Fait que c'est ça. Puis là, le candidat républicain, donc les ridiculement très à droite. Là, je simplifie à l'extrême. Ouais, un peu. J'imagine Samuel Girard m'écouter et rager dans son auto. Je m'excuse, Samuel. Mais au moins, comme les républicains diraient, Barack Obama, au moins, il est pas gay. Peut-être ça qu'ils disent. Au moins. Ah, peut-être. C'est peut-être ça. À cette heure, je pense qu'ils ont plus de misère avec les homosexuels qu'avec. Tu sais, parce que je caricature vraiment beaucoup là, en les comparant avec les partis canadiens. Pas là. Vraiment beaucoup. On s'entend là, jusqu'à récemment, le candidat à la chefferie qui était en avance chez les républicains, c'était Donald Trump. On s'entend que. On s'entend. Tout pète. Ouais. Bon. Ouais. Donc, cette longue. toute cette longue introduction pour dire que je voulais parler justement de parité homme-femme et ces choses-là. Là, c'est drôle parce que la femme du show n'est pas là ce matin pour parler de ça. Fait qu'on va parler de parité homme-femme et de féministe entre hommes. On laisse faire, on parle de pari pâté à la place. On pourrait parler de pari pâté. Ouais. Ou tu sais, du PAM ou du spam. Du spam ou du cam des fois. Ouais. Ouais. Tu sais, l'espèce de cam de. En tout cas, de cam de cam, ouais. Dégage. Mais c'est pas grave, ça veut dire que dans le fond, on rend hommage à Tania vu qu'elle est pas là, on prend le flambeau féminin pour la journée. C'est ça. C'est bon ça? On a des ovaires d'adoption. Voilà. Des ovaires de travers. Ouais. Titre de l'épisode, peut-être. Titre de l'épisode, ouais. C'est une bonne idée, ça. Merci, on va renommer le bulletin Gertin pour aujourd'hui. Donc, ouais. Donc, ce que je voulais parler, c'est que c'est ça, dans le fond, là, comme je l'ai dit tantôt, notre nouveau cabinet des ministres au fédéral est rendu 50% hommes, 50% femmes, ce qui est une première au Canada. Ça a tout été majoritairement hommes. En plus de ça, soulignons le fait qu'il y a eu généralement, en plus d'être des hommes, c'est souvent des hommes blancs, généralement politiciens de carrière et ou économistes et ou avocats. Mm-hmm. C'est souvent, ça tourne souvent autour de ces professions-là qui se retrouvent en politique. Mais là, on regarde ça, puis on se dit, mais c'est plus diversifié. C'est sûr que si on regarde les jobs, c'est encore beaucoup avocats et trucs du genre, mais il y a un ancien militaire au ministère des... en fait, un encore militaire, d'ailleurs, apparemment, mais qui est au ministère de la Défense, par exemple. D'ailleurs, ce monsieur-là, il est de religion sikh. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc, au banc du cabinet des ministres de je sais pas quoi, banc des ministres, mettons qu'on pourrait dire, ben, à la place, ça va être le turban des ministres. Ouais. On va pouvoir dire ça, dorénavant. Ouais. La section turban des ministres. Sérieusement, il y avait une photo de lui qui avait circulé en uniforme militaire avec son turban. C'était quand même spécial à voir, là, mais tu sais, en même temps. Dans le sens de cool. Ouais. Ben, tu sais, je trouvais que l'image faisait spécial en soi, mais tu sais, je me dis. Contrastant, paradoxal. C'est ça, quand même, un peu. Mais bon, pour pas être contre ça avec ce que je dis depuis le mois de septembre dans cette chronique-là. Ça serait aussi paradoxal et ironique. Effectivement. Puis bon, c'est ça. Là, en plus, il y a quatre, en tout, je pense qu'il y a quatre ministres qui sont de religion sikh, un truc du genre. Il y a même la ministre. Là, j'ai un blanc par contre, je me rappelle plus si c'est la ministre. Mais on pas des blancs, là. On est rendu progressiste. Non, mais un blanc de mémoire. Ah, ok. Mais la ministre qui est responsable de. Si je me rappelle bien. De mémoire, ça, c'est celle qui est responsable de tout ce qui est relié à C-51 et tout ça, mais je suis vraiment pas certain. Le ministre des institutions démocratiques, des trucs... C'est ça. Ils ont tous des longs titres, en plus. En plus, ils ont ajouté des choses assez intéressantes dans les titres des ministres. Ça, on pourrait faire une couple de chroniques juste pour analyser ça. Sur ce que fait chaque personne. Je viens en le disant, je m'en suis rappelé, c'est la ministre du... Par contre, je pourrais pas vous dire son nom, mais c'est la ministre qui est responsable de la réforme démocratique, qui est supposée de réformer le mode de scrutin, là. Ouais. Pour peut-être rajouter un peu de proportionnalité là-dedans. Mm. C'est ça. Elle, c'est une Afghane, si ma mémoire est bonne, ou une Irakienne. Il me semble que c'est Afghane. Tu sais, qui est née sous le régime taliban, qui est relativement jeune en plus, puis qui est une réfugiée. Elle est immigrante, mais réfugiée, en fait. Elle a été, j'imagine, elle a eu sa citoyenneté et tout, parce qu'elle prend sa citoyenneté pour se présenter en politique. C'est Mariam Monsef, c'est ça? C'est ça, je pense que oui, c'est ça. Sam Monsef, ça. Selon Wikipédia, c'est ça. C'est ça. Donc, en tout cas, fait qu'il y a, on voit qu'il y a déjà plus une diversité de parcours et de que les habituels avocats qui se présentent à 39 ans comme députés et qui finalement se retrouvent ministres et qui éventuellement finissent par être d'un gros ministère et tout. Quand c'est rendu que t'appelles les ministères une guacamole tellement il y a d'avocats? Hein? Comme on l'appelle? Non? Effectivement, c'est... ben, c'est, si tu regardes déjà juste au Québec, c'est quasiment de, présentement, les ministres, c'est à peu près ça. C'est des avocats, des économistes, des médecins. Ouais. Il n'y a pas vraiment d'autres diversités que ça. Même les députés, c'est ça. Bon, pourquoi est-ce que... Là, on en parle, on dit qu'il y a une déclaration très, très englobante de Justin Trudeau. Il s'est fait demander pourquoi la parité. Oui, lui, pourquoi? Et lui, tu sais, pourquoi 15-15? Pourquoi moitié-moitié comme ça? Et la réponse de Justin Trudeau a été, ma foi, assez savoureuse, qu'on soit d'accord ou non. Il a dit, parce qu'on est en 2015. Drop the mic. Drop the mic. Deal with it, lunettes qui descendent de sa face. Ouais. C'est ça. T'sais, on s'attend pendant la campagne électorale, je me suis pas présenté comme étant le plus grand fan de Justin Trudeau non. Et de tout son héritage et de tout son ça. CV. Mais je dois avouer que depuis qu'il est au pouvoir, à peu près à chaque fois qu'on entend parler de lui, j'ai un petit... Ah! Il rock pas mal là-dessus. C'est, là-dessus, il faut quand même lui donner qu'à date, il a fait une couple de moves assez le fun. Ça fait parler de lui pas mal fort. Ben, c'est sûr. C'est la première fois qu'on parle autant de ça. La première fois depuis un certain temps, probablement depuis l'époque de son père, en fait, qu'on parle autant du premier ministre canadien à son élection. En plus, il est né beau, ça. Ouais. Ouais, ben ça aide, en tout cas, certaines places. Je sais que les Français, en tout cas, ils en reviennent pas comment est-ce que notre premier ministre est charismatique. C'est sûr, si tu le compares à François Hollande, pour ceux qui le connaissent pas, googlez-le. Puis googlez-le pendant qu'il fait un discours. C'est probablement le politicien le moins charismatique de l'histoire. Tu as le goût de voter contre, même si t'es d'accord avec. Là. Googlez-le, puis après ça, effacez votre historique. Il est sérieusement pire que Stéphane Dion en termes de charisme. Mmh. Tu sais, Stéphane Dion, je veux dire, il y a beaucoup de qualités, mais c'était pas fort non. là-dessus. Là. Mais bon. Mais, bref, ça pour en venir au fait que pourquoi est-ce que on en parle, pourquoi est-ce que j'en parle, parce que ça a l'air d'être juste une bonne chose, c'est qu'il y en a qui sont pas d'accord. Ben là, en fait, sûr. Je voulais amener un débat ici. Parce que ce qui a été soulevé, Tania aurait trippé, je pense, d'ailleurs. Ouais. Mais ce qui a été soulevé, c'est que, bon, ben, d'avoir un cabinet paritaire, c'est de la discrimination positive qu'on appelle. Puis ça, c'est pas acceptable. Il y a deux choses là-dedans. Premièrement, est-ce que c'est vraiment de la discrimination positive? Il a sûrement pas pris n'importe qui sur le bord de la rue. Ben, on s'entend. Puis là, pour bien... Je vais faire mon petit bout de déformation professionnelle. Qu'est-ce que la déformation, oui? Déformation des... Oh, mon café, je l'ai bu trop vite à matin. La diffamation, discrimination. La discrimination positive. C'est qu'est-ce que quelqu'un c'est? Juste parce qu'il est handicapé, juste parce qu'il est noir, c'est juste parce qu'il est gay. Pas tout non? à fait ça, en fait. Okay. Même là, d'ailleurs, c'est souvent ce que les réactionnaires à ce genre de trucs-là vont dire. Mais c'est pas exactement les chialeux. Ça. Les chialeux. Là, c'est un outrage. C'est un outrage. Ou une outrage, comme certains vont dire. J'imagine, j'imagine la juge Goldwater frappée sur son... tu sais, comme ça s'appelle l'émission, là? Que... L'arbitre? L'arbitre. C'est un maillet, une pioche? Un maillet, un crétin. Non, c'est... Expression des gens de la Mauricie, un maillet, c'est un imbécile. Un animateur de Radio X. C'est correct, c'est légal. Ouais, c'est legit. Mais bon, on va se faire dire qu'on est péquistes apparemment parce que c'est rendu ça, sont les critiques, c'est parce qu'on est des fanboys de... Ben, c'est comme chez Starbucks, si le verre a pas un arbre de Noël dessus, c'est qu'il est anti-Noël et c'est la guerre contre Noël, tu sais. Ouais, et ouais. Ça, là, de pas faire quelque chose, ça, je veux dire que... J'ai pensé de parler de ça, puis je pense que je me serais trop fâché parce que tellement que c'est niaiseux comme idée, là... Moi, l'affaire la plus logique avec ça, c'est que je pense qu'en fait, c'est Starbucks qui ont parti cette tempête de caca-là pour ne pas dire shitstorm. Ça reste plus beau, en fait, juste pour faire de la pub. Ouais, peut-être. Sérieusement. Peut-être. Fait que... Mais je sais hier à Tania que les verres de beer pong devraient se faire poursuivre aussi, parce qu'ils sont clairement anti-sémites. Ben, hein? Écoute, ben oui, la parce guerre à Noël. Ils n'ont pas de ménage. Clairement. C'est ça. Clairement. Ben oui. C'est le beer pong, écoute, c'est des activistes anti-Noël. Là. C'est anti-chrétien. Puis, oh. Anyway, on va revenir à notre féminisme. Ouais. Donc, c'est ça, de la discrimination positive. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? La discrimination positive, dans le fond, c'est que quand on voit qu'il y a une certaine injustice en termes de représentativité, quand il y a un groupe quelconque qui est vraiment sous-représenté, puis là, c'est pas l'idée d'arriver tout le temps à une parité parfaite, à exactement le pourcentage. Il y a 51% de femmes sur Terre à peu près, puis il y a 49% d'hommes. Je te l'apprends, Mathieu. Non, c'est... On est outnumbered. Ouais. Mais c'est parfait comme ça. Mmh. C'est ça. Puis, c'est naturel. C'est naturel. Ben, sauf ça, quand s'il y a de quoi, c'est probablement la statistique humaine la plus large qui existe à peu près. Oui, mais c'est en même temps pas très naturel. Parce qu'en Chine, t'as le droit d'avoir juste un maximum de 2 enfants maintenant. Avant, c'était 1. Fait que ouais. Ça allait biaiser un peu le chiffre, hein, le nombre. Le... Ben oui, mais c'est que ça. Faut relativiser ça. C'est un peu loufasse. Puis oui, puis c'est que bon, les il y a eu toute l'affaire, c'est ça. Là, on tombe dans vraiment d'autres choses. Encore une parenthèse. Ouais. Encore une parenthèse. Mmh. Celle-là peut être très longue, fait qu'on viendra un autre fois. Un autre fois. Donc c'est ça. C'est quand il y a un groupe qui est vraiment mal représenté, puis que c'est clairement, ça serait clairement dans les intérêts des gens qui soient un peu plus représentés. Ouais. Ça serait plus logique. Puis l'idée, c'est pas d'aller prendre n'importe qui. C'est à CV égal. Tu choisirais la personne qui est sous-représentée. Ouais. Ça, à la limite, ça pourrait même être un réflexe dans n'importe quel domaine de dire, dans n'importe quel choix, t'as deux. Mettons, tu passes des entrevues pour une job bien anodine, puis dans ton entreprise, t'as une majorité de personnes de 45 ans et plus. Mettons. Ouais. Là, tu te dis. T'as le choix entre un autre. Mettons, t'as deux candidats qui ont un CV équivalent par rapport à la job. Parce que ouais. Tu te dis, avec l'exemple que je vais donner, c'est sûr qu'ils peuvent pas avoir exactement le même. Là, mais tu te dis, bon, OK, j'ai une autre personne relativement âgée. Là, mettons, 49 ans. Puis j'ai un jeune de 30. Ouais. Ben, je pourrais peut-être prendre le jeune de 30, question de varier un peu mon personnel. Tu sais, ça pourrait être une chose comme ça. Puis personne va te poursuivre pour te dire c'est une discrimination d'âge. C'est ça. Bon, en fait, jusqu'à un certain point, ça pourrait être de l'âgisme. C'est sûr que là, tu sais, là, on tombe dans des affaires assez touchées, assez qu'il faut être nuancé. Ils sont durs à prouver aussi. On s'entend, là, c'était un exemple que je donnais, c'était une métaphore. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire ça. Ouais. Je voulais juste montrer que, tu sais, bon, des fois, tu peux vouloir varier. Tu sais, juste même si t'as pas. Considère pas comme féministe ou si t'as pas en tête des notions reliées à ça. Puis là, les parenthèses arrêteront jamais, puis c'est ma faute, là, mais bon. Je me dirais, tu sais, que j'encourage la cause féminine comme je peux, ok? Je me dirais peut-être pas féministe parce que, bon, chacun a sa définition de féministe, là, je sais pas si je suis. Tu sais, je suis pas le genre qui va dire, mettons, bon, vu que les femmes ont été entre parenthèses d'un mot avec un E entre parenthèses, que là, dorénavant, faut mettre le E en majuscule pour les sortir du lot. Ça, je suis pas d'accord avec ça, je trouve que c'est niaise un petit peu. Mais de l'autre côté, faut pas oublier que depuis littéralement toujours, si à CV égal, t'avais un homme puis une femme, on prenait quasiment tout le temps l'homme parce que la femme va avoir des congés de maternité puis elle sera pas là la moitié du temps pour pouvoir trouver quelqu'un d'autre. Fait qu'on prenait l'homme, tu sais. Fait que c'est un petit peu revenir à peut-être donner la priorité à quelqu'un qui était bafoué depuis toujours. Ben, non? C'est ça. Ben oui, c'est exactement ça, okay. En fait. Puis l'idée, c'est que c'est une, comme n'importe quelle démarche d'accommodement puis de redressement d'iniquité, c'est une démarche qui est supposée d'être temporaire. Mm. C'est-à-dire de se dire, de se mettre une cible, mettons, de dire « OK, il faut qu'on engage tant de femmes ou tant de minorités visibles ou tant de ainsi de suite. » C'est une mesure qui est temporaire. Puis l'idée de ça, c'est de ramener ces personnes-là, de les associer à ces jobs-là ou à ces milieux de pouvoir-là. Parce que l'on s'entend, c'est souvent dans les jobs ou dans les milieux. Quand je dis milieux de pouvoir, ça serait tout ce qui est relié à la politique. Puis les grosses compagnies, les hauts fonctionnaires, ces choses-là. Ouais. Tu sais, je dis les grosses compagnies, je veux dire les très hauts postes, les PDG, les CA, ces choses-là. Cadre et tout ça, là. Cadre et tout ça. Ouais. Y compris dans les institutions publiques comme dans le privé. C'est un peu tout le même principe. Donc, l'idée, c'est que en encourageant un peu de manière qu'on pourrait dire artificielle qu'il y ait plus de femmes en politique, par exemple, ben, c'est d'encourager qu'il y ait plus de femmes qui s'asseyent en politique. C'est ça. Parce qu'il y a ça aussi. Voit que ça se fait. Parce que c'est l'objectif final, c'est ça, c'est que présentement, il y a moins de femmes qui se présentent en politique que d'hommes, puis beaucoup moins d'ailleurs. Puis, c'est considéré, on pourrait dire dans l'inconscient collectif, la politique est encore considérée, puis on peut bien se défendre autant qu'on veut. Mais même, tu sais, je veux dire, regarde, je me suis dit féministe en commençant. Oui. Puis même moi, je vais avoir le réflexe de peut-être plus scruter une candidate qu'un candidat sur certains critères personnels. Tu sais. Ça, c'est des biais qu'on va tous avoir, puis que le moyen d'y combattre, ben, c'est de se créer d'autres sortes de préjugés, mettons. Tellement ça. Les gens vont dire, tu sais, mettons, plus je ramène tout le temps ça à quelque chose de geek, là, mais tu sais, en mathématiques, en sciences, peu importe, les filles, les gars vont dire, ah, mais il y a moins de filles qui aiment ça. C'est pas qu'ils aiment moins ça, c'est que vu qu'il y en a pas, ils ont pas de modèle, ils pensent pas qu'elles peuvent le faire, elles se disent, c'est une affaire de gars, donc j'irai pas. Si on crée justement une parité en la forçant un petit peu, dans peu importe le domaine. En ça l'encourageant. Va leur c'est ça, en encourageant. C'est juste un effet d'entraînement, c'est un cercle vicieux. Si t'es fermé à ça, il n'y en aura pas qui vont s'intégrer. T'sais. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Fait que c'est ça le principe de la ce qu'on appelle la discrimination positive. Puis là, faut très très nuancer. Là, on est dans des sujets qui sont quand même touchés un peu. Ouais. Faut nuancer. C'est pas toujours une bonne chose non plus. Faut voir ça, faut voir la discrimination positive comme un outil possible pour régler certaines problématiques. Il va peut-être avoir d'autres manières que d'user de ça. Fait que là, c'est comme la première partie un peu de ce que je voulais parler à matin par rapport à ce sujet-là. C'est que ce qu'il faut retenir de ça, c'est que la discrimination positive, le mot est peut-être mal choisi parce que le mot fait peur en soi. Puis c'est sûr qu'il y a eu un peu du sophisme de l'homme de paille par rapport à ça. Qu'est-ce que le sophisme de l'homme de paille? J'ai hâte d'en entendre parler. C'est, je me pratique parce qu'il faut que je donne un cours là-dessus. mais heureux d'être ton cobaye, Sébastien. Voilà. Toi et tous tes auditeurs. Oui, oui, oui. Ici, on est seul dans le studio, c'est pour ça que je dis ça. Mais oui, ouais. Nous sommes tes cobayes. Ouais. Le sophisme de l'homme de paille, c'est qu'on va mal, dans le fond, quand on veut critiquer une position, un point de vue, une thèse, un argument, ce qu'on va prendre, c'est qu'on va prendre ce point de vue slash thèse slash argument-là. On va le reformuler, mais en le simplifiant un peu et en le rendant plus facile à réfuter. Okay, dans le fond, oui. La présentation que je viens, tu sais, la description que je viens de faire là de la discrimination positive, on est, tu sais, je veux dire, je pense pas que j'ai choqué grand monde avec ça. Puis d'après moi, il y a des gens qui étaient peut-être moins formés là-dessus qui sont peut-être dit ah, ok, tu sais, ça a l'air moins pire. Ouais. C'est plus nuancé que ce qu'on nous présente souvent. Parce que c'est ça un sophisme de l'homme de paille, c'est qu'on présente quelque chose de pas nuancé, de bébête un peu, mais là, après ça, c'est super facile à réfuter. Démagogue, t'sais. Comme on dit. Si t'oublies toute la nuance, c'est ça, c'est un peu de la démagogie, dans le fond, on pourrait dire ça de même. Je veux dire, justement, mes campagnes électorales, c'est le festival de... c'est parmi les sophistes qu'on voit beaucoup, là. Ouais. Le festival des montgolfières, démagogue. Ouais, tu sais, comme un exemple, quand on... Les NPD ont été très victimes de ça pendant la campagne électorale, entre autres, quand on parlait de, entre autres, la position sur le NICAP. Oui, oui, oui. Ils disaient, ils sont pour le NICAP, ils sont en faveur du NICAP, pas vrai, pantoute. Mm. Ou sont en faveur du... sont pour le pétrole, sont en faveur du pipeline. C'est pas vrai. La position, c'était de dire, ben, on n'est pas pour ni contre ce projet-là. Ce qu'on veut mettre en place, c'est des mesures d'évaluation de ces projets-là. Puis peut-être que ce projet-là passerait, peut-être que non aussi. Il faudrait mettre les mesures en place avant de se prononcer. Au lieu de se faire une idée. Au lieu, puis là, ben là, ce qu'ils sont fait dire, c'est qu'au Québec, c'est ils sont pas contre, fait qu'ils sont pas. Puis là, dans le reste du Canada, c'est ils sont pas pour, fait qu'ils sont contre. Mais c'est fou comment tout n'est pas binaire dans la vie. C'est pas oui ou non, c'est pas noir ou blanc, c'est pas zéro ou un. Come on. Forcez-vous un peu. Un minimum. Mais c'est ça la politique à cette heure, c'est de gagner des arguments. Pour ça que la politique m'énerve souvent. La mauvaise politique, en tout cas. La mauvaise politique, voilà. La bonne politique, c'est de plus en plus une espèce en voie de disparition, on pourrait dire. C'est plate que ça nuit. Des bons politiciens. Ouais. Oui. Donc, les considérations théoriques ayant été balayées un peu, okay. Je l'espère. Swiffer. J'espère d'avoir été... Swiffer. J'espère d'avoir été relativement clair par rapport à ça. Le cas présent, dans le fond, ce que je disais, le nouveau cabinet ministériel fédéral. Ouais. Justin Trudeau. 15 hommes, 15 femmes, ouais. Plus Justin. Plus lui. Plus lui. Est-ce que c'est de la discrimination positive qui a eu lieu? Là, c'est une question que tu me poses quiz là, pour voir avec ce que tu nous as donné comme définition. moi, je dirais que... oui, temporairement. Ça? Ben, on pourrait dire... En fait, il n'y a pas de bonne réponse. C'est que c'est discutable. Puis encore, tu sais, comme je disais, c'est déjà un peu paradoxal d'avoir un sujet qui touche un peu au féminisme puis que l'animatrice... femme n'est pas là aujourd'hui. Ouais, c'est malheureux, mais... Mais c'est que justement, ouais. C'est que j'aurais aimé qu'on en débatte un peu plus. Question de timing, c'est plate. Mm-hmm. Tani, on s'ennuie. Et je peux pas l'imiter parce que je suis pas dans sa tête. Je peux l'imiter, mais ça va être rire d'elle. Ouais, je pense que pour son bien, elle n'a pas besoin. Je me retiens. Ce serait peut-être pas très féministe. Non. Ce serait pas gentil pour notre ami non plus. Non, c'est ça. Bref. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, l'idée, c'est que on pourrait dire que ça respecte un peu l'esprit de la discrimination positive. Ouais. Mais est-ce que la démarche a vraiment été de dire « OK, bon, on va en placer quelques-uns. Bon, OK, là, fait que là, on a les 15 hommes qu'on veut vraiment, puis après ça, on va aller chercher dans les femmes qui ont été élues, on va aller chercher. Essayer de plugger à d'autres places. OK, bon, là, lui, cet homme-là, on l'aurait peut-être mis à cette place-là, mais. Bon, on va mettre une femme à la place pour avoir notre parité. Parce que là, c'est ça qui est véhiculé dernièrement, les accusations, c'est qu'il y a des hommes compétents qui ont été tassés pour mettre des femmes à la place. Bon, premièrement, on espère que si les personnes ont été élues députées, dans le réservoir de tous les députés là, que, dans lequel Justin Trudeau aurait pu piger pour nommer ses ministres, dans le réservoir de tous les députés, on espère que c'est tous des gens le moindrement compétents. Ben oui. Mais c'est, on s'entend, par le passé, il y a eu beaucoup d'hommes, puis même dans ce cabinet-là, il y en a encore certains postes que la personne n'a pas nécessairement le CV parfait pour être ministre de ça, tu sais. Mais c'est pas... C'est-tu moi où c'est extrêmement sexiste comme phrase de dire « Ouais, mais t'as tassé un homme qui aurait pu faire la job. » Donc, par défaut, le choix devrait être un homme. Et si ben tu c'est... le tasses, ça devient... C'est comme dire « Bon, c'est ça, les Mexicains volent nos jobs, mettons. » Genre... Ben, c'est un peu raciste. C'est la même affaire. C'est un peu la même affaire. J'essaye. Les Mexicains qui volent nos jobs. Ouais. Une joke que j'ai vue sur le net, ils appelaient ça, je sais pas si c'était à l'air, si tu connais la théorie de Schrödinger, le chat Schrödinger. Il est-tu mort ou il est-tu vivant? On peut pas le savoir tant qu'on a pas ouvert la boîte pour savoir s'il est mort ou vivant. C'est ça. Bon, il y en a qui appelaient ça les immigrants de Schrödinger. C'est les immigrants qui sont à la fois, parce que dans le fond, la théorie de Schrödinger, c'est pour parler de l'indécision quantique. Dans le fond, c'est qu'on sait pas si les particules sont... En tout cas, moi, la c'est physique, lourd, hein, ça. Mais non. C'est que, dans le fond, c'est qu'à un moment donné, tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas mesuré... Il est mort et vivant. Puis là, la particule était un état ou un autre. Ça, je me rappelle pas trop. Mais là, ce qu'on disait, c'est que, dans le fond, les immigrants de Schrödinger, c'est les immigrants qui profitent de nos institutions sociales puis tout, sans contribuer, tout en volant nos jobs. Oui. Un peu le même principe, tu sais, de dire c'est comme si les femmes soudainement ils ont le beurre puis l'argent du beurre. Mm. C'est pas ça pantoute, là. Mm. Tu sais, c'est même pas une échelle de degré entre de dire OK, bon, on a ce candidat-là qui serait le numéro 1 qu'on pourrait mettre partout, puis là, cet autre candidat-là qui serait le numéro 2, puis c'est pas ça, là. Je veux dire, il y a des gens qui. Faut arrêter de voir ça d'une manière. Quantitative un peu dans le sens de, tu sais, de faire un palmarès, ce n'est pas des singles d'albums, ok? c'est pas iTunes, ok? C'est pas, il y a pas d'affaire de mettre un ordre dans la qualité entre guillemets des ministres. C'est ceux-là sont potentiels en général, c'est ceux-là ça. Sont éliminés, bon. C'est ça, ouais. Ceux-là sont moins potentiels, mais auraient peut-être pu faire la job, on ne sait pas. Ouais. En partant, le CV, ça ne dit pas tout sa personne. Mm. Il y a un paquet de choses à prendre en compte. Puis, parfois, il y a des ministres c'est des ministres surprises, qu'on ne s'attendait pas qu'ils feraient de la bonne job. Finalement, ils en font. Il y a des députés qu'on pensait que c'était un poteau. Finalement, Rutelaine, pour ne pas la nommer, finalement, elle fait de la bonne job. Puis... je veux dire, à un moment donné, il y a une question de qualitativement, mettons, pour tel poste, on veut-tu quelqu'un qui a un CV long comme le bras, qui a été dans 40 conseils d'administration, ou on veut-tu quelqu'un qui a un genre de vécu? Je pense justement à Mme Monsef. Qui va être la ministre de la réforme démocratique, dans le fond, qui a un vécu particulier, qui a vécu sous une genre de dictature religieuse, qui est, tu sais, peut-être, tu sais, on est porté à se dire, ouais, mais son CV pas aussi long qu'un autre aurait pu être. Non, mais par exemple, elle a un moyen vécu qui va peut-être changer, qui va peut-être amener une vision qu'on n'aurait pas eue entre hommes blancs canadiens privilégiés, tu sais. Puis peut-être qu'il y a moins d'affaires, mais des affaires plus pertinentes, c'est mieux que plein d'affaires qui n'ont pas nécessairement rapport ou qui sont moins pertinentes. C'est ça, tu sais, il y a ça aussi, puis souvent, c'est ça, c'est qu'on va essayer de, tu sais, on va calculer ça sur le nombre de lignes de CV, puis c'est ça. Ça va être rien que ça qui va décider. C'est pas une feuille Excel, là. C'est ça. Bon, fait c'est pour ça que moi, je trouve l'argument de dire, il y a des hommes qui ont été écartés qui auraient aussi pu faire la job. Je veux dire, à la limite, toi et moi, on aurait pu la faire, ce job-là. Tu sais, à la limite, là. Certains plus que d'autres, mais ouais. On va s'entendre, les ministres, là, un ministre au fédéral, là, ne travaille pas tout seul. Non, c'est ça. Il y a une armée de... Pas d'affaires d'armée, on ne dit pas. Non, non, mais pour dire qu'il y a une légion. Ah, okay. Mais c'est encore un peu militaire, mieux, une légion. Là, mais... Il y a un camp de... Non, il y a des esclaves. Non, mais il y a des fonctionnaires des ministères. Je veux dire, un ministère, là, c'est pas un bureau d'un ministre assis qui, toute la journée, se creuse les méninges. Non, non, c'est une grosse équipe de travail avec une organisation. C'est une organisation, là, un ministère. Là, avec, les ministres sont pas seuls avec leurs affaires. Fait que, même si tu mets un ministre qui a peut-être moins d'expérience de comme je disais, de conseil d'administration ou de, tu sais, de doctorat honoris causa, de peu importe ce qu'il tente, ça reste que ils vont un ministre comme ça, même un ministre comme ça qui a plutôt un vécu peut faire une très bonne job. Ouais. Pis, comme je le dis justement, les anglophones ont une expression que j'aime bien qui s'appelle think out of the box. Mm-hmm. Ils vont penser en dehors de la boîte. De Schrödinger. T'sais, de Schrödinger. C'est là que ça vient, cette expression-là? Non, pas en tout. Okay. Ça n'a rien à voir. C'est juste que l'idée de ça, c'est qu'il y a une autre expression en anglais d'où ce que ça vient qui est du box thinking, c'est-à-dire que tu restes, t'as ta petite boîte, ouais, tu restes dans ta petite boîte. Pis tu penses avec ce que t'as dans ta boîte, mm-hmm, habituelle. Think out of the box, penser en dehors de la boîte, c'est que là, tu vas voir ailleurs. Tu vas essayer de trouver renseigne, des... Ouais. C'est ça, tu te renseignes ou tu te sensibilises à autre chose. Tu te mets en contact avec des affaires qui confrontent tes préjugés. Oui, exact. C'est ça l'important. Je pense qu'une réfugiée afghane va peut-être avoir des idées plus originales que nos habituels avocats, oui, hommes blancs de classe moyenne-haute. Que notre guacamole traditionnel. Que notre guacamole traditionnel, oui. Fait que je pense que de dire que cette candidate-là a été prise juste parce qu'elle est femme, ben c'est réducteur en mots. C'est réducteur en mots, t'as dit. C'est, ouais, premièrement, c'est insultant pour elle. Ouais. C'est comme de dire, en même temps, c'est comme de dire que être femme, c'est vraiment ça serait comme de te mettre un statut différent. Puis c'est un. C'est littéralement de mettre les gens dans des boîtes, ou comme on dit, des tiroirs, mais là, ben, dans des boîtes, parce que t'as parlé de. Ouais, de boîte, ouais. Fait que, ben, c'est ça. C'est, dans le fond, c'est je pense que c'est réducteur. Je pense qu'il faut leur laisser une chance. Puis c'est un peu là où ce que je voulais en venir, c'est que l'argument de dire qu'il y a des gens qui auraient pu être compétents qui ont été tassés, c'est vrai tout le temps. Dans peu tous importe les que ce soit un homme ou une femme qui a la job, c'est juste que là, ce coup-là, c'est qu'on essaye de dire, c'est que le gouvernement est supposé d'un peu représenter. Pardon. Est supposé d'un peu représenter la population, puis bon, ben, il a quand même fait un peu un effort dans ce sens-là, parce que, Colin, il y a moitié de la population que c'est des femmes. Je dis pas que tous les cabinets ministériels à l'avenir devraient être paritaires ou majoritairement femmes, mais moi je pense qu'il faudrait qu'on voit plus de diversité, parce que ça fait 150 pas loin années que le Canada est fondé. Je pense qu'on 1860, 1860, 1860, c'est toi l'historien, je suis pas historien deux secondes, mais il me semble que c'est 1868, une affaire comme ça. L'acte de l'Amérique du Nord britannique, là, qui est comme la fondation du Canada comme pays. On n'est pas loin du 150e. Je sais que c'est dans ces années, c'est dans les prochaines années. C'est la première fois que ça arrive. Ça a tout le temps été majoritairement homme quand c'était pas carrément 100% homme. Fait que, tu sais, quand on dit rétablir une équité, c'est historique. Là. C'est vraiment ça. On dirait que traditionnellement, le choix par défaut pour eux autres, c'est un homme. Puis si tu prends une femme, c'est que t'as pas laissé sa chance à un homme comme si les hommes n'avaient pas leur chance. C'est ça. En tout cas, bref, on en a juste parlé. Juste le fait qu'il y ait une, tu sais, puis je pense que on parle souvent de ce qui reste à faire, puis ce qui reste à faire. Ouais. Mais tu sais, je pense qu'on peut quand même prendre quelques secondes pour ne serait-ce que pour se congratuler un peu du fait que se flatter à bédaine un peu du fait que il y a quand même eu assez de femmes élues pour qu'il y ait un bassin, parce que si tu regardes les candidats, si tu regardes les ministres là une par une là, il n'y en a pas une que tu peux dire que c'est un incompétent, qu'elle n'est pas pantoute à sa place, que tu sais qu'elle a vraiment littéralement été prise juste parce qu'elle a un utérus. Tu sais, c'est pas des nowhere non plus. Fait que tu sais, de dire que pour une, tu sais, qu'il y a quand même eu assez de femmes pour qu'ils puissent choisir dedans, puis qu'il y ait la possibilité de faire des choix logiques puis tout, ben ça veut dire qu'il y a quand même des femmes qui sont présentées, ça veut dire qu'il y a des femmes qui ont été élues. C'est quand même une bonne chose. T'sais, c'est déjà ça, c'est une affaire qu'on peut. On peut se donner une petite main d'applaudissement. Juste bien poli, ça. Juste bien poli, mais tu sais, quand même. C'est déjà. Je pense qu'il faut quand même. Souvent dans les milieux progressistes, on est très porté à être Non, mais là, il reste ça à faire. Ouais, il reste ça à faire. On peut pas arrêter là. Je pense que des fois, il faut quand même. Il faut pas s'asseoir sur nos lauriers non plus. Je pense que des fois, on peut se féliciter un peu de. De ça. De l'avancée, de l'avancement. C'est une avancée. Exactement. Julien, ça me rappelle, tu sais, genre la parité. C'est comme ça me rappelle Windows puis les Macs. Il y en a pas assez. Il faudrait forcer les Macs partout. Mettre des Macs dans tous les bureaux pour avoir une parité. Non? Ça, c'est discutable. Ouais, on ferait-tu un débat au Mathieu Blanchot là-dessus? Ben, je t'ai dit que je pouvais pas. C'est ça, je m'excuse. Mais là-dessus, moi, je fais une distinction entre les Macs puis les iBebel. Ah, OK. C'est pas pareil. Non, moi, c'est les iBebel que j'ai un problème les avec. Pro, les Macs, j'ai un MacBook mini. Chez nous. Ouais. Là. Il est vieux, là. Il est tough, là. Mais il est plus vieux que mon char, là. Mais ouais. Ça sera pour une autre neuf, fois. Mais ouais, ça sera pour une autre fois. Ouais. Merci Sébastien Vigatin. C'était un plaisir. On te lit dans Zone Campus sur 2 semaines. On espère. Ouais, on te retrouve ici même à chaque semaine, tous les mercredis à 8h. À Assemblage Requis, merci encore Sébastien F. Gertin. Merci à vous, c'est-à-dire toi. Merci, et à Tania la prochaine fois. Tania la prochaine fois. Elle réfutera chacun de tes points ou les approuvera. On verra, c'est ça. on prend une pause. Au retour, c'est notre autre ami masculin du mercredi. Oui, seulement des gars le mercredi. On a mis les filles d'autres jours, que voulez-vous. Le jeudi est particulièrement féminin, mais le mercredi est masculin. Et c'est Frédéric Bernard qui s'en vient avec Google Globe dans quelques instants. C'est là. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage Requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Je suis en train de pas mettre le bon retour sur celle-là ici. Je suis en train de faire un autre début d'émission avec un plan complet. Je pense que j'ai pas ce qu'il faut pour dire ça sur l'intro. Donc, de retour à Assemblage Requis, on est mercredi 11 novembre 2015, toujours Mathieu Plante. Et Tania Baudin est en congé aujourd'hui, en prompt rétablissement, en train de dormir. Elle nous écoute pas. Elle est en train de dormir pour se remettre de son séjour à l'hôpital hier. Le temps d'accueillir Frédéric Bernard. Tantôt, Sébastien Vigatin nous avait conseillé une chanson et je l'avais pas passé, donc allons-y avec ça. C'est vraiment excellent, c'est par First Aid Kit, on adore ça. Voici la pièce Wolf sur leur album The Lion's Roar, tout de suite à Assemblage Requis. First Aid Kit et la pièce Wolf, une suggestion de notre ami Sébastien F. Gertin tout à l'heure. Maintenant, c'est le moment d'accueillir Frédéric Bernard. Voici Google Globe. Il faisait sa lutte dans les gradins. Gradins. Estrada. Mario Estrada. Oui. Éric Estrada. J'ai encore dit Mario Estrada, c'est Éric. Je sais pas comment je fais pour les mêler, ces deux-là. C'est un politicien, Mario. Genre, en République Dominicaine, je sais pas trop quoi, Mario Estrada. J'ai Paco fait Estrada. Erreur, oui, mais Éric Estrada, c'est l'acteur. C'est ça? Ah, pour vrai, les deux s'appellent Estrada. Ben oui, ça a okay. Bref. Ben oui. Salut Fred, Bernard. Bonjour, bon matin. Ça va? Oui, oui, comme toujours. Génial. Tu poses une question à Internet chaque semaine, t'essaies d'y répondre de la façon la plus appropriée possible. Il n'y a rien d'humoristique dans cette chronique-là, c'est des faits. Oui, c'est des faits, uniquement des faits. Je n'essaie l'humour n'est qu'un outil. Si on rit, c'est pas nous autres. Par accident. C'est les estrades et les gradins. C'est ça. C'est pas voulu, vous n'êtes pas supposé. Fait que si vous riez, punissez-vous. C'est pas supposé. Auto-flagellez-vous. Mais... Donc, quelle question à se poser à cette neuvième chronique? Ben, à cette neuvième chronique, alors, j'étais chez nous, tu sais que toutes mes questions partent d'une situation initiale problématique dans la vie de tout le monde, parce que je vis la vie de tout le monde. Tu vis ta vie. Donc, j'étais... j'aime ça, le lit. Le lit. Le lit. Dormir dans un lit. T'es dormi spécial. Ben, je sais. Il y a des gens qui dorment par terre. Moi, je dors dans un lit. Moi, j'aime ça, le lit. Puis, pour l'anecdote, là, j'ai été jusqu'à investir beaucoup dans un lit. Wow! T'aimes ça, les lits? J'aime ça à ce point-là. Là. Pis, genre que t'as choisi ta blonde, elle s'appelle Amélie, juste parce qu'il y avait le mot lit dedans. Non, exact. Il trompe pas Annabelle, c'est encore Annabelle. Non, oui, c'est ça. Je cherchais... non. Oui. Non, mais dis... Donc, effectivement, j'ai investi dans un lit. Alors, j'ai investi plus précisément dans des draps. Connais-tu les draps de bambou? Hey, ça respire, ça, j'imagine. Hein? C'est comme les sous-vêtements de bambou. Parce que ça, je connais ça. Ouais, ben, je sais aussi. Tu les vois? Mais on en parlera dans une autre chronique. Hors ronde. Hors ronde. Donc, j'ai acheté des draps de bambou. Cool, ça. Alors, puis c'est vraiment du fil de bambou que les gens s'imaginent pas que j'ai comme un drap avec des gros morceaux verts sur ça le lit. Ça vient avec un koala, puis tout ça. Ouais, ouais. C'est ça. Je le nourris chaque soir. dans le fond, alors, ces draps-là, alors, je les ai installés et tout. Effectivement, ça respire bien. C'est quand même des draps de qualité. C'est pas donné. C'est pas donné. Je dis ça tout de suite. Bref, pourquoi. T'aimes tellement les draps que ta blonde, ça s'appelle Sandra. Oui. Non, c'est toujours la même. Ouais. Excuse-moi, je te coupe tout le temps. Tac. C'est tellement pas drôle en plus. C'est fini. Là, tout le monde pense que je trompe. Puis... Oui, c'est ça. Ma réputation est finie. T'as un harem. Donc, ces draps-là, dans le fond, alors pourquoi j'ai changé ça? C'est parce que il y a toujours une espèce de petite. Je sais pas si t'es d'accord, mais il y a toujours une espèce de mousse qui se forme. C'est ton nombril, de... ouais. T'sais, pas nécessairement, oui, pas moi, mais en tout cas, il y a une espèce de mousse qui se forme sur le drap, qui j'arrive pas, c'est piquant, ça ressemble à... c'est granuleux. C'est des draps en laine d'habitude, c'est pour ça. Oui, ben c'est ça, les draps en laine en font beaucoup. Tellement que ta blonde s'appelle laine. Et les draps de coton, arrête ça, là, sont toutes là. Parce qu'on les a toutes passées, il manque juste Sabrina. Mais justement, t'as parlé de bris quelque chose tantôt, je me rappelle pas c'était quoi. Oui, t'en reviendras, t'as Sabrina à plugger, man. Ok, parfait. Donc, ces draps-là, c'est pour ça que j'ai acheté des draps de bambou. Ben, Christy, crois-le, crois-le pas. Ils ont fait la même maudite petite mousse. Puis, cette mousse-là, en fait, elle me suit partout parce que ma blonde, elle, en a pas de cette mousse-là. T'es sûr que c'est pas ton pyjama? Je pense. Non, je ouais, pas non, de pyjama. En tout cas, c'est ça. Ouais, je suis, on se comprend. Ouais, elle. Peut-être t'es boxeur? Non, en fait, c'est vraiment tout au long du corps. J'ai l'impression que c'est parce que je bouge, que je tourne. Alors peut-être que ça froid. Bref, la question... C'est parce que ta blonde est morte. Non, je sais pas te le dire, mais... Elle bouge pas. C'est ça. Non, c'est pour ça que je la piquais avec des fourchettes. En tout cas... Puis, she's Sabrina not alive. Oh! J'ai réussi à pluguer Sabrina quand même. Merci. Poli. Donc, la question que je pose à Google suite à cette expérience plutôt désagréable, c'est... Quel est le mystère de la petite momousse? Ok, oui. C'est parfait, ça. Oui. C'est sûr que... Tania. Ouais, Tania. Hey, maudit. Chose à plate, elle qui m'a passé le commentaire de « C'est-tu vraiment comme ça que tu trouves tes questions, la dernière chronique? » Là, oui. Donc, des pages 1 à 5. Alors, dans, t'as eu 5 pages avec c'est quoi le petit mousse? J'ai au moins eu 5 pages, mais je me suis rendu à 50 quand même. Aïe aïe! Google est quand même surprenant. Wow! Donc, au début, j'ai eu une... C'est assez éclaté d'habitude. Au début, on a des réponses assez précises. Ça devient de plus en plus abstrait. Là, je vous dirais que c'est totalement abstrait. Fait que c'est totalement... Il y a le mot mousse, Google l'a mis. Donc, dans les pages 1 à 5, ce que j'ai trouvé en premier, c'est une chanson qu'on ne mettra pas. Ah! Tu peux la mettre, tu peux la mettre. Okay, tu vas-tu la mettre là ou... Je la mets là, ton fond vient de oui. finir. Fait. C'est bon. Ben oui. On prend tout le temps de l'écouter parce que les paroles sont très simples. On écoute 30 secondes. Ah, c'était Happy Happy Joy Joy. Oui, c'est ça. La chanson, elle s'appelle le petit tu l'as dans le fond. Le petit là. Bonhomme en mousse. Le petit bonhomme en mousse. Patrick Sébastien. Exactement. Peut-être que vous savez pas exactement c'est qui Patrick Sébastien. C'est il y a une émission à TV5. C'est le Grand Cabaret. Oh! Je sais pas si tu connais ça. Non, ça, non. Ça fait longtemps que c'est là, c'est vieux comme affaire. Ils invitent des gens du milieu de divertissement, que ce soit des humoristes, des magiciens, des danseurs, qui font quelque chose en avant sur un cabaret. Oui, avec forme de cabaret, mais un berlingot de lait, un petit potard. Exactement. Potard commencé, tout ça. Mais c'est très, très gros comme ça. Bref, ils animent ça. Pour ceux qui connaissent ça, ça passe ici au Québec. C'est très, très vieux comme affaire. Okay. C'est très vieux. Mais c'est encore des nouveaux épisodes. Ça continue juste oui, depuis oui, longtemps. Oui, ça continue, okay. Ça continue. C'est pas des reprises comme la soirée canadienne à prise 2. Non, ben, ce serait bizarre des reprises d'un truc animé comme ça. Ouais. Eh ben. Ben oui. Mais bref, cette chanson-là raconte l'histoire d'un petit bonhomme de mousse. Et bien sûr, comme beaucoup de tunes françaises, c'est à double sens. C'est ça. J'imagine. Et c'est des petits dessins dans un cahier Canada, genre. Oui, ouais. Oui, oui. C'est bref, ça, c'est le premier lien que j'ai en tapant quel est le mystère de la petite mousse. Wow. Ça a du sens au moins. Oui, ça a du sens. C'est quoi le mystère du petit bonhomme en mousse? Oui, écoutez la toune. C'est ça. Ouais, si vous avez la patience, parce que je vous avoue... Ben, c'est un goût très personnel. Oui. Mais le veux-tu chanter le refrain? Non. Na, na, na, na, na, na, na. Voilà, Mathieu vient d'exprimer tous mes sentiments envers cette chanson. Ok, c'est assez. Ça se résume à ça. On continue? Prochain, de la bière. La bière? La bière. Ok. Ça s'appelle Une petite mousse, c'est le nom du site. Ah, ben oui. Fait que je sais pas pourquoi Google a proposé ça. Hein. Bref, c'est un site de bière. Je suis tombé sur la page des achats, de ce que je comprends. Donc, c'est un site de bière qui fait des sélections. C'est un beau site. Pourquoi ouais. Je l'ai mis? C'est un beau site. Regarde, c'est juste ça. Il n'y a pas d'autre raison. C'est juste parce que c'est un beau site. C'est un commentaire éditorial sur la beauté du site. Oui. On lui leur transmettra ça. Il est bien placé, tout. Il est bien fait. Ah, c'est des bières européennes aussi. C'est pour ça que j'ai placé ça. C'est plus plagique. C'est pas des bières du Québec. C'est des bières européennes qui sont sur ce site-là. Fait qu'on va proposer aussi des bières belges, allemandes sur ce site-là. C'est le fun parce qu'il y avait un calendrier de l'Avent de bières, mais là, il n'en reste plus. Oui. Tu peux acheter un calendrier de l'Avent de bières. De l'avant en bière. De l'avant de bière. C'est comme un calendrier de Noël. Ah! Oh. Ouais. Ah, ben oui, l'avant en bière. L'avant bière. Ah, ouais, c'est ben génial, oui. J'ai pas vu ça. Calendrier de l'avant. Oublie les petits chocolats, voici le calendrier des amateurs de bière. Une section 100% brasserie artisanale française et un décompte jusqu'à Noël en ouvrant chacune des 24 cases pour découvrir une nouvelle bouteille différente en 33 centilitres. Ok, c'est malade. Vraiment, tu ouvres une case puis tu sors une bière. Pour 79€. Mais il y en a plus. Ouais. Mais il y en a quand même 30 des bières. 79€? Ouais. Ouais, c'est cher. Ben oui, mais là aussi. As-tu déjà pris un calendrier de l'Avent de chocolat Laura Socor, mettons? C'est non. Cher ça aussi, ça. Okay. Quand c'est de la qualité, c'est cher. Ben, mais tu vas boire un petit 33 centilitres d'alcool à tous les jours. C'est ça. Tu vas les déguster en tout cas arriver à Noël. Bonne chance, c'était encore pour tes cadeaux. T'es prêt avec une pipette, genre un goutte par goutte. Dans le fond, tu gardes tes bières, tes emballes, puis ça fait tes cadeaux pour ouais, moi. Voilà. L'autre ensuite, je suis encore sur des... non, ça c'est pas européen, ça c'est vraiment un restaurant qui s'appelle le restaurant au Petit Mousse. Ouais. Je trouvais ça drôle. Au Petit Mousse. Ok. C'est tout. Là, eux, ça c'est pas, ça gagne pas de prix pour leur site web. Non. Non, vraiment pas. Ça dit, laissez votre appétit accoster au meilleur port. Ah, ben, parce que c'est un jeu de mots, mousse avec un moussaillon, tu sais, de bateau. C'est vrai, ils ont un gouvernail comme logo. Mais le site est rempli de jeux de mots. Ouais. De ce que j'ai lu, je me suis promené un petit peu, puis c'est rempli de jeux de mots. Ben, je vais aimer ça. Le décor est un jeu de mots. <C'est>... Ensuite, on me propose la page Wikipédia du « Il était un petit navire ». Alors, toujours dans la même, dans la même veine. Ouais. Alors, oui, une page Wikipédia là-dessus. À l'origine, ça s'appelait « La courte paille ». Oui, ben, c'est ça. J'ai essayé de lire vite en diagonale sur Wiki, de trouver des un champ de marin, de détente. Oui. Eh ben. Mm. Eh ben. C'est un Wiki. C'est une très bonne chanson. On devrait l'écouter comme on a écouté l'autre de bon, l'écoutes-tu? Oh! Ensuite, un autre site de bière, mais cette fois-ci, il propose 200 bières. C'est un site qui note les bières cette fois-ci. Fait que à la petite mousse encore, finalement, le mot mousse revient vraiment à cause des jeux de mots dans le. Ouais. C'est ça. Fait que un site qui propose, c'est ça, des 200 bières. Bon, on arrive à quelque chose qui devient intéressant. Bon, on a écouté Patrick Sébastien. Oui. Ben là, c'est j'ai trouvé un site. On me proposait un site, je pense que c'est une chanson aussi. Mais c'est une chanson aussi. Il y a aussi des nananas dedans. Ouais, il y a aussi des nananas dedans. Mais cette fois, c'est au lieu d'être la chanson du petit bonhomme en mousse, c'est la femme du petit bonhomme en mousse. Ah ouais, bonne idée. Mmh. Fait que, puis ça commence par « Bonjour les petites souris, bonjour Patrick, vous connaissez le petit bonhomme en mousse. Il s'appelle Moumousse et sa femme, c'est Moussette. » On écoute un extrait. « Sa femme, c'est Moussette. Dès que je vous parle d'elle, tapez les mains et vous chantez avec moi. Allez. » C'est le même principe que tantôt. Ah bon? Oh! Je l'avais pas entendu, j'avais pas pris le temps de la chercher. C'est excellent. Wow! Mais on voit que c'est quelqu'un qui fait des chansons sociales, qui fait des recherches. Bref. Je suis pas connaisseur en musique, fait que j'irai pas plus loin. Ensuite, on pourra pas dire qu'au Québec, là, bon, ça, c'est Patrick Sébastien en France, mais au Québec, par rapport à quel est le mystère de la petite moumousse, on a un éditorial de Yvon Bois. Yves Boisvert. Alors, qui nous propose. Tu connais Yves Boisvert? Un peu, c'est un chroniqueur à la presse depuis 2000, après avoir été chroniqueur judiciaire pendant 10 ans, je te dis. Voilà. Ouais. Alors, c'est un chroniqueur à la presse qui revient assez régulièrement dans mes questions de la presse. Ouais. Pourtant, il est bien référencé. Mais oui, pourtant je navigue en privé. Oui. Je suis en privé, j'enlève toute possibilité que... Ben, en fait, je c'est fais mon maximum. C'est les résultats par défaut, vraiment, oui. de Google. Ouais. Mais j'améliore de plus en plus, mm-hmm. mais je fais le plus possible le ménage là-dedans. C'est sûr que c'est ça, c'est au Québec, puis mais il écrit sur beaucoup de sujets, j'imagine que les mots-clés là-dedans finissent par revenir à... Il parle de tout et de rien. Mais ça reflète à quel point, oui, je pense qu'il parle peut-être de trop de sujets, parce que là, il fait une chronique sur la neige d'été. Tu connais la neige d'été? Non. Cette mousse blanche, des fois, qui, on dit c'est le pollen. Des fois, ça se promène, il y en a beaucoup au canal de la Chine, justement. Ça fait vraiment comme un tapis blanc. Alors, c'est assez beau à voir dans certaines régions, parce que c'est un arbre qui produit ça dans certaines régions. Il y en a tellement que ça fait vraiment... C'est un beau paysage. Vous rechercherez ça. Ça s'appelle le Deltoïne. Deltoïne. Je vais essayer de retrouver le nom. Le Deltoïde. Deltoïde, ouais, je l'avais Deltoïde. Deltoïde. On l'a trouvé en même temps. Fait que c'est un peuplier. Alors, peuplier Deltoïde. Alors, qui produit cette mousse-là. En anglais, ça s'appelle un Eastern Cottonwood. C'est plus logique, je trouve. Mais oui, c'est comme du coton, c'est vrai, ça ressemble un petit peu à du coton. Mais oui. Mais oui. Non, je trouve ça bien plus logique en anglais. En tout cas. Je suis fâché aujourd'hui. Bon. Bref, il fait une chronique complète sur. Ben, cette mousse-là. Ben oui. C'est tout. Pourquoi pas? Puis je l'ai lu, puis dans le fond, ça commence. Le titre, c'est La neige d'été. On y porte pas trop attention, on dirait du pollen, du reste de pissenlit. Mon courant le long du canal de la Chine, il y en avait tant qu'il en neigeait. Me semble que je n'en ai jamais vu, que j'en ai jamais autant vu. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette neige de juin? Et sais-tu quoi, Mathieu? Quoi? Ben, il répond pas de temps à la question. Ah non, ah bon. Ouais, c'est comme un gros speech de début pour finalement ça meurt un peu dans l'œuf. Bref, c'était juste pour dire que Yves Boisvert avait beaucoup revenait beaucoup dans mes recherches. Te mets-tu du vernis, Mathieu? Si je me mets du vernis. Tania est pas là, je t'ai supposé demander. Fait que c'est toi qui tapes. Ah merci, Colin. Fait que. Non, je mets pas de vernis, Fred, non. Ok, Tania. Elle fait. Cool. Donc, je suis tombé sur un site qui propose une mousse magique pour enlever le vernis. Ah! Oui. Alors, le vernis à ongles, alors on fait simplement mettre le doigt dans cette. C'est bizarre. Je sais pas si tu vois une image. Tu viens de trouver l'image. Ouais, en fait, c'est, ça, ouais. C'est vraiment une mousse. C'est vraiment comme une espèce de... C'est un trou entouré de mousse. Oui. C'est un trou entouré de mousse. On met le doigt là. On attend. Il y a une substance dedans. Magique. C'est de plus en plus dégueu. Il y a une substance liquide qui vient gruger justement le vernis. Et comme la fille sur le blog dit, it's very propre tout ça. Oui, c'est ça aussi que je voulais dire. Ouh, marvelous. Elle me gosse déjà. Elle a deux phrases de dit puis elle me gosse. Il y en a pas juste deux. Ouais. C'est parce que dans le fond, pour que les gens comprennent, c'est que on dirait que c'est un blog. Hein? C'est un blog et puis c'est une Française qui parle à moitié français, à moitié anglais et. Ah, you put le doigt in the trou. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond. Envie de slugger, là. C'est bon. Ce que Mathieu parle, c'est les étapes pour enlever le vernis. Et oui, elle nomme les étapes de cette façon-là. You put le doigt in the trou. Il y en a qui aiment ça, j'imagine. Non. Non. Il y en a pas. Connais-tu Nini Marcel? Non. C'est une chanteuse, une musique que je t'inviterais à mettre, que ce soit après ma chronique, plus tard. Je sais que ici à Assemblage Requis, on prend beaucoup les nouveaux artistes, les artistes émergents. Et Nini Marcel, c'est une artiste qui est, émergente, mais qui a quand même fait du gros contrat, mais qu'on entend. J'ai jamais entendu parler d'elle. Puis quand j'ai fait une recherche, j'ai pas trouvé tant de musique, beaucoup de EP. Le maxi qu'on appelle des albums courts. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que, mais sinon, en tant que tel, j'en ai pas entendu parler nécessairement des galas. Les Québécoises. Les Québécoises, c'est c'est ça, les Québécoises. C'est pour ça que je t'invite peut-être à mettre une de ces musiques. Pas celle que j'ai sur... je t'en ai mis deux, en fait. J'ai mis, pour ceux qui regardent les PDF que je mets... Qui sont sur assemblagerequis.com. Qui sont sur assemblagerequis.com. Il y a Nini Marcel. Elle a fait une chanson sur la Mauricie, carrément. Okay. Alors, pour déclarer son amour sur la Mauricie, bon, c'est tel que t'es, c'est assez slow. Bon, je trouve pas que c'est la meilleure de ce que j'ai trouvé. Mais il y a une autre chanson de Nini Marcel qui est plus pépé puis qui est plus originale, je trouve, que j'ai mis aussi. Ça n'a aucun rapport avec la moumousse. Je l'ai juste mis parce c'est que... C'est fleur arrachée. On va la jouer à la fin de la chronique. Si ça te va, ça serait cool. Ça, ouais, ça serait... je l'apprécierais pas que je la pousse particulièrement, mais je sais que c'est que c'est ça dans le... nous plaire. C'est dans le créneau, je pense, de C'est fou. Génial. De faire découvrir des artistes. Tout à fait. Skyrock. Mm-hmm. Tu connais Skyrock? Non. Non, c'est vrai? Mais non, mais oui. Ah, le truc de blog, les petits systèmes de blog pour les jeunes filles de 12 ans. On utilisait ça dans. Ouais. Quand, ben, on utilisait. Ouais, c'est ça, comme tu dis. c'était l'ancêtre de peut-être Facebook. Ouais, quand ça n'existait pas. On faisait des blogs très simples là-dessus, très minimalistes. Des photos de ses amis, puis des dessins en rose dessus. C'est ça, puis, c'était mal organisé, mal écrit, plein de fautes, puis c'est ça. C'est juste pour. C'était juste un prétexte pour parler de Skyrock. Parce qu'on me proposait un site de Skyrock, je pensais pas que ça existait encore. Une fille qui s'appelle Titlout 54. Bon, c'est correct. C'était tous des noms de même, on peut pas lui en vouloir. C'est ça. C'était tous des noms de même, les Skyrock. C'est original, ouais. Oui, puis il y a des Candy, Skyrock. 69, ouais. Puis ensuite, il y a Google Plus. Oui. Fait que je sais pas pourquoi on m'a proposé des sites comme ça, des réseaux sociaux comme ça, des réseaux sociaux, tout ça, ouais, des blogs ça, comme ouais. ça. Parce que là, il y a Google Plus qu'on m'a proposé, Skyrock, parce que Google Plus, ironiquement, c'est pour ça que je l'ai mis aussi. Je sais pas pourquoi j'ai mis le lien. J'ai mis le lien pour vous rediriger vers Google Plus, mais c'est la première fois qu'on me propose un Google Plus. Et ce qui est le fun, c'est que ça te propose une page qui est complètement vide. La personne n'a rien mis. C'est ça. Une page par défaut Google Plus. C'est pertinent à mort. C'est le gag. La petite cuisine de Bibule et Mousse. Puis il n'y a rien. Ils font des beaux plats, là. Ça ressemble étrangement à l'image par défaut de... Mais c'est facile. Google. C'est facile à faire. Ouais. Ça n'a pas été long. Puis finalement, les comptines françaises, ils ont des sens cachés. Ah, comme il était un petit navire de tantôt. Exactement, exactement. Parce que je l'ai lu un peu, je vous laisserai le découvrir. Parce c'est que un ça... long article. Ouais, c'est un long article et surtout, c'est, ça parle de cannibalisme, de prostitution, la souris verte, ça parle de torture et de soldats. Soldats? Oui. De soldats, que ça commence par verde et ça. Ça parle de soldats qui sont torturés. Donc, je vous laisserai découvrir ça si ça vous intéresse. Ça parle des rabais, là, tu sais, quand c'est en solde. C'est ça. Soldat. 5 à 10? Quand c'est en soldat. Oui, 5 à 10. 5 à 10. Alors, c'est toujours les premières pages qui sont les plus longues parce qu'on propose du truc, des trucs nouveaux. 5 à 10. Alors, on m'a proposé un site de parfums. Alors, des parfums qui sont faits avec de la mousse de chêne. Mmh. Ouais. Je sais pas si ça sent bon, mais je trouvais ça original. Ouais, c'est une bonne. C'est différent, en tout cas. Oui. Au moins, ouais. Sydney. Alors, il y a des boules vertes que, sur les plages de Sydney. Ça, c'est bizarre, par contre. Ça, c'est bizarre. Va dessus. Okay, va voir les images. Vas-y, Mathieu. Okay. Là, là. Hein? C'est bizarre, comme, hein? Un peu. Ben, on dirait que c'est comme hexagonal, 3D. On dirait oui, genre des graphiques 3D, quasiment. De ce que j'ai lu, parce que j'ai lu l'article, puis j'ai fait un petit peu des recherches, c'est une mousse qui se retrouve normalement dans les eaux, dans les fonds des eaux. Okay. Une mousse végétale qui se rassemble et qui forme une sphère presque parfaite. En tout cas, une sphère. Qui forme une sphère qui échoue sur les plages. Et Sydney se retrouve envahi de ces petites boules de verdâtre-là. Que si on les coupe en deux, le centre est creux. Ah, ah ouais. Alors, c'est le simple fait que la marée les font rouler. Puis à force de rouler, ben, ça fait le côté sphérique. Et oh, c'est creux. C'est creux. Et ça bloque le son, apparemment. Les mousses de savon bloquent le son. C'est ça? Non, ça, c'est un autre. Ah, ouais, c'est non, c'est ça, on n'est pas sur le même. Attends, non, c'est l'autre. C'est ça, excuse-moi. Ouais, c'est pas... ouais. Ah, voilà. Ah, voilà. Ah oui, okay. Là, t'es vois. Ah! Oui, okay. En vrai, t'es mousse au nombril de tantôt. Oui. Mais plus grosse encore. Ouais. J'en ai sauté un, parce que je me disais, il était pas si intéressant. Tu te disais, moi, je suis dessus. Ouais, wow, on laisse faire ça. Tu vois pourquoi j'ai décrit ce que j'ai décrit. Hein? Oui. Bref, oui, des boules, on dirait des boules de gazon, on dirait des boules de melon, sinon qu'on a pris avec le petit outil de métal, l'ustensile à faire des boules de melon. Oui, exactement. Mais c'est vraiment impressionnant à voir. Ouais. Sinon, on en a un peu dans la même veine d'une mousse qui a envahi un endroit. On se rappelle qu'il y a eu une explosion en Chine, une grave explosion. C'était du chimique qui s'est retrouvé dans l'environnement, là, à Tianjin. OK. Oui, tu me suis? Tianjin? T'es là? Oui. OK. Ouais. Tianjin, il y a eu une grosse explosion. Bref, on savait que ça allait avoir des répercussions. On sait que les pluies absorbent énormément de pollution et que lorsque la... C'est pour ça qu'il faut pas boire la pluie. Ah. Mais en fait, c'est ça. Faut pas comme... parce qu'il y a beaucoup de pollution dans la pluie. Ça retombe. Bref, c'est ce qui est arrivé. La pluie est tombée. Ça, c'est un peu triste parce que la ville s'est retrouvée avec une mousse blanche sur les trottoirs un peu partout. C'était pas des sphères, fait que c'était pas beau. C'était pas des sphères, c'était juste une mousse blanche et les gens se sont retrouvés avec des problèmes d'irritation, problèmes de respiration. Mmh. Bref, c'est juste pour dire que faisons attention à l'écologie. Ça peut nous retomber dessus puis ça peut faire mal. Littéralement. Littéralement. Oui, littéralement. Mmh. T'aimes-tu ça, les soutiens-gorge? Ah, j'aime plus qu'en dessous! Non. Oui. Oui, là, mais ouais. La soutien, ouais. J'aime les beaux soutiens-gorge. En effet, c'est vrai, c'est beau. Oui, ouais. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Puis je vous en propose un beau. Alors, je vous ai mis un lien sur Princesse Tam Tam. Merci. Et voilà. C'est surtout pour les filles, ça. Fait que les gars vont y aller quand même, mais c'est surtout pour les filles. Surtout. Connais-tu le Kokidama? Je ne connais pas le Kokidama. Le Kokidama, alors c'est l'art de faire, c'est l'art d'entretenir des plantes, de faire des décorations végétales de plantes vivantes dans une boule de mousse. Mais tu trouves pas justement que la boule de mousse ressemble énormément à ce qu'il y avait en Australie tantôt? Oui, exactement. C'est l'idée, hein? C'est, oui, peut-être ça part de là parce que ça sonne étrangement asiatique comme nom, mais c'est vraiment beau. Oui. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais moi ça me fascinait, j'en ai regardé plusieurs sur Google, je trouvais ça vraiment beau. Pour vous la décrire, je dirais une boule de gazon avec par-dessus, tu sais les petites nouilles qu'on met dans ce ponton, les nouilles, oui. Nouilles asiatiques. Oui. Genre. Et ensuite une plante qui on dirait de la menthe un petit peu peut-être qui sort sur le dessus. Et on dirait une petite araignée. Oui, c'est ça, ouais. Mais il y en a plusieurs. Ben là, c'est. On en voit un, mais il y en a plusieurs qui existent. C'est pour ça que j'ai tapé dans Google. J'ai simplement tapé le nom dans Google Images. Puis il y en a beaucoup. Puis c'est vraiment beau. Il y a des gens que c'est vraiment original. Il y a des gens qui... C'est vraiment tout petit. Alors, imaginez un petit bonsaï, oui. Mais vraiment avec une plante. Au lieu d'être un arbre, c'est une plante de tous les jours qui se retrouve dans une boule de mousse. Fait que dans une boule verte qui est suspendue. Une plante grimpante là-dedans, c'était fantastique. La plante a vraiment l'impression qu'elle flotte dans les airs. Mm-hmm. C'est vraiment beau. L'épicerie nous propose un reportage sur l'œuf. L'œuf. Alors, différencier le blanc et le jaune. Il y en a qui est blanc, il y en a qui est jaune. Oui. OK. C'est ça. En fait, ils sont rendus à court de sujet, je pense. Ah, c'est ça. Yeah. Fait plusieurs saisons. Mais en fait, c'est plutôt pratique comme, comme reportage, je trouvais, parce que le blanc de l'œuf et le jaune de l'œuf ne servent pas la même chose en cuisine. Ah. Et c'est deux choses très, très, très différentes en cuisine qui vont avoir des propriétés très différentes. Par exemple, le blanc va mousser, alors que le jaune, on va le garder plus pour faire des crèmes. Ça va pas mousser, un jaune d'œuf. Okay. Alors, monter des blancs en neige, entre autres, on va l'utiliser juste le blanc, faut pas avoir du jaune dedans. Donc, ça expliquait ça. Alors, pour ceux qui aiment la cuisine, je trouvais que c'était un site intéressant parce qu'il parle vraiment de façon scientifique, plutôt, les différences entre le blanc et le jaune d'œuf. Bref, je parlais du reportage de l'œuf 10 à 20. Alors, oui. Dans les résultats 10 à 20. Pourquoi la mousse liquide est-elle solide, Mathieu? Je sais pas, là, il me semble que c'est paradoxal encore. Le solide et liquide en même temps. Hein? Exact. La mousse liquide, solide. J'ai pas compris. Je comprends pas. 20 à 30. Ça t'a pas intéressé plus que ça. C'est juste que j'ai pas compris non plus. J'ai essayé de regarder, c'était pas super intéressant, non, honnêtement. Non. C'est juste que j'ai, comme toi, c'était pour le gag encore. C'est une grosse chronique de gag, finalement. C'était pour le gag que la question pourquoi la mousse liquide est-elle solide. Eh ben. Eh ben. 20 à 30, Jean-René Dufort. Tu connais Jean-René Dufort? Ben oui, Radio-Canada, oui. Infoman. Il fait à Explora, sur le site d'Explora, des chroniques scientifiques. Oui. Parce que c'est un ancien biologiste. Ben, c'est un ancien, c'est encore un biologiste. Il a eu un diplôme en biologie, je crois, dans ce domaine-là qui est connexe. Je ne sais pas précisément si c'est en biologie ou de façon. Dans un autre secteur connexe. Bref, fait des chroniques sur Explora et on m'a proposé des chroniques. On m'a proposé les chroniques de Jean-René Dufort. Seul défaut, gros défaut, là, c'est je mets mon poing sur la table. Hein? Outrage. Ouais, je pense qu'il faut être abonné. Ah, ouais. Oh, ça, là. Mais allez sur YouTube. Ouais. Ouais, c'est ça. Quelqu'un a dû les mettre là, quelque part. Ben, j'imagine, là. J'ai pas essayé. J'imagine, je trouve ça juste. Je trouve ça plate, c'est dommage, oui. Des blocages comme ça. Quand c'est ça, c'est des chaînes de public. C'est ça, c'est ça. C'est triste. 30 à 40. Je vous ai mis une recette de mousse en chocolat parce que là, on m'en a proposé 1000. Oui. Fait que j'ai pris la plus intéressante, c'est une mousse au chocolat végétal. OK. Ouais. Ouais. C'est ça. Je serais ouvert à ça. Ben oui. Je vous ai mis aussi un site qui explique la science du pourquoi le savon mousse. Ah, c'est intéressant ça, oui. Il y a des savons qui moussent pas, puis il y a des savons qui moussent, puis tu veux tout le temps celui qui mousse le plus, il me semble, dans la vie. Parce que t'as l'impression d'être plus propre quand ça mousse. Ben oui, exactement. Ben oui. On a vraiment l'impression, je crois. C'est psychologique, là. Oui, oui, parce que c'est vraiment, en fait, le savon, comment il fonctionne, c'est vraiment juste une graisse qui va venir faire un lien avec les saletés, en général, avec d'autres graisseux. Puis c'est ça qui va comme partir. Ouais. Alors avec l'eau, vu que la graisse flotte sur l'eau, ben c'est ça, ça va partir. Quand tu vas... Voilà. Ton savon préféré, c'est lequel? Mais oui, je sais ça. C'est mon savon préféré? Ouais. Ah, moi je suis obligé d'en prendre un spécial. Ah, okay. C'est homme sensé. Oui, ben, oui, j'ai une petite peau fragile, ben aussi, ben mince. Moi aussi. Donc c'est un gros site, vraiment, ça peut être assez lourd. Alors ça parle justement de la physique du savon, alors pourquoi ça mousse, pourquoi ça mousse pas. J'essaie de m'en remettre dedans dans le bain. Alors dans le bain! Ah! C'est drôle. Voilà. Voilà, je dois avouer que je pense que j'ai oublié de le lire, celle-là. J'ai mis de côté, puis j'ai oublié. L'important, c'est de savoir que les liens sont sur le site. C'est pas d'explorer chaque sujet en profondeur. Non, hein? C'est ça. L'autre que, par contre, je ne me suis pas empêché de lire, que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est qu'il y a un site qui nous propose... C'est un blog, alors c'est vraiment libre. Mm-hmm. C'est un blog de bubules. De bubble. Bubble globe. Bubble, je pense. Bubble globe. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est un site français, fait que je le prononce en français. Ah, bubble globe. Okay. Suffit, là, les Français, là, qui font des. En tout cas. Ouais. Le put de douane de trou. Regarde, tu vois jusqu'où ça nous mène. Donc, c'est un blog qui nous propose de suivre la matinée d'un brasseur de bière. Alors, dans sa matinée, dans son quotidien. Et finalement, pour clore cette merveilleuse chronique, alors 40 à 50. Toujours dans le concret. Alors, on m'a proposé un site qui nous explique comment survivre au chaos. Le chaos comme à la boxe? À la lutte? Le chaos en général. Si, admettons, on tombe sur un univers post-apocalyptique, on tombe que toutes les règles s'écroulent, ouais. Ça devient le chaos. Alors, c'est 10 articles essentiels pour survivre au chaos. Eh ben. Ouais. Est-ce qu'on peut survivre avec la fille qui est sur l'entête du coup? Parce qu'allez voir le dernier lien de la liste, là, puis... Ouais, on comprend pas trop. Donnez-nous 12 ans des nouvelles! Wow! Ouais. Okay. Je pense pas qu'elle survive longtemps malgré ce qu'elle peut nous faire croire. Ouais, c'est pas parce que c'est une femme qui est pas capable de survivre. Non, c'est parce qu'elle est maquillée. Ah, voilà! Dans le chaos, avec une mitraillette, puis qu'elle tient pas de la bonne façon. Mais... Ah, tu connais trop ces affaires-là, tu connais trop ça. C'est surtout qu'elle tient pas de la bonne façon. Ça me dérange tellement. Hein? Ça me dérange tellement. Ben oui, hey, ça nous propose des articles essentiels pour survivre au chaos. C'est pas crédible, ouais. C'est pas crédible. Puis le rapport avec la mousse, ben comme d'habitude, il y en a pas avec la question. On rappelle la question, c'était « Quel est le mystère de la petite moumousse? » On sait pas. Quel est le mystère de la petite moumousse? C'est donc, important, des sujets comme ça de, oui. De fond. T'sais. Oui. Et on a un auditeur qui nous dit que si tu te fais un compte sur tout.tv avec ton adresse courriel, qui te sert pour ton compte de TELUS pour ton cellulaire, hein? Ça te donne gratuitement le compte payant de tout.tv. Et ça, je pense que ça vient de changer la vie de bien des gens. Mon Dieu. C'est un secret que maintenant seulement les auditeurs de C'est Fou savent. Oui. Inscrivez-vous sur tout.tv avec votre compte TELUS. Et ça vous donne le service payant de tout.tv, l'extra, je pense. Ben oui. C'est ça. C'est l'extra. En tout cas, je bref. Je pense que TELUS doit le vendre, j'imagine, beaucoup. J'imagine. Mais c'est vrai que je savais pas ça non plus. Non, mais je viens de m'amagasiner un cellulaire. C'est qu'on a un sel TELUS et ça nous sert pour le service de télé.tv. C'est vraiment cool. En tout cas, bref. Oui. Génial. Merci à notre auditeur. Ouais, ça apprendra aux gens à nous écouter. Oui, c'est ça, exactement. Non, mais c'est pour vrai. Tu sais, à un moment donné, grâce à lui maintenant, je me sens utile. C'est ça. Et non seulement on remercie les gens de nous écouter et d'avoir des informations pertinentes que personne d'autre a, et en plus, merci aux auditeurs qui nous font parvenir leurs commentaires en direct sur Facebook. Oui. On les lit quand je les vois sur Facebook, sur mon téléphone TELUS. Particulièrement dans une chronique comme la mienne, exact. Où c'est libre à ça, c'est ouvert à ça. Et c'est en direct entre 7h30 et 9h30. On est là pour recevoir vos messages. Merci beaucoup, Frédéric Bernard. C'est un plaisir. C'est vraiment fantastique d'explorer Internet avec toi comme un vrai petit explorateur. Mais plus un Chrome, je trouve. T'es plus chromé qu'Internet Explorer, tu sais. Ah! C'est un gag avec Explorer, tu sais, explorateur. Oui. Tu comprends? Oui. Internet Explorer, moi. Ouais. Firefox, t'es comme un petit renard de feu. Tu l'as plugué, Sabrina, tout à l'heure, hein? Oui! Ah, ok, c'est bon. Ok, t'as le droit de continuer des gags demain. Ouais, c'est ça. Hey, tu m'as mis au défi au début de la chronique, puis je te l'ai fait 30 secondes plus tard, tu seras. voilà, donc on se quitte avec une pièce de Nini Marcel, comme t'as dit tantôt. Un extrait qui s'appelle Fleur arrachée, chanteuse québécoise, qui est sortie dans les résultats de Google. On écoute ça à Assemblage Rocky. Ah, c'est dans le clip. Je me demandais, il y avait des bloup bloup bloup. Je suis sortie très tôt. Ça m'a fait peur. Pour attraper la pluie. Tu m'as dit que ta main aimait les frisottis. J'attendrai déjà avant de te connaître. un soleil de plomb. Les horizons seront nôtres. Nous ne serons pas leurs noms. Mais chaque nuit, nous perdrons pied à la même seconde. Et j'attendrai que tu remontes, le souffle coupé, pour mieux te murmurer. Plus de l'heure et plus de jeu, je ne connais que ça. Dans nos cœurs, nous serons deux, ou nous ne serons pas. Puis nous prendrons la mer. C'était Nini Marcel et nous serons deux. À Assemblage Requis, on a entendu une autre pièce juste avant, qui était Fleurs arrachées. Suggestion de Frédéric Bernard. Voilà, c'est là-dessus que se termine cette édition d'Assemblage Requis. On se retrouve demain. On remercie Sébastien Viguertin et Frédéric Bernard. Demain, on sera jeudi, dernière journée de notre semaine de radio, et on aura Justine Renaud à 8h et sa chronique Justine Pertine. Et on va bien sûr goûter à un produit du tiroir dans une grosse pointe en dresse. Ça, c'est demain entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30. Sur nos ondes plus tard aujourd'hui, bien sûr, le dîner de con est là entre 11h et 13h. Ensuite, je vais être de retour à 15h pour le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. À 17h, l'émission de musique électronique automatique. Et à 20h, c'est Radio Sonic avec de la musique variée. CIF.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Tania Baudin va être de retour demain. C'est un prompt rétablissement. Là. On a eu une petite mise à jour. Elle pourra nous en parler demain sur ce qu'elle a, mais ouais, ça va pas super bien, t'es en train de se reposer. Ce sera un problème musculaire derrière les côtes, pour ceux qui veulent être au courant de sa situation de santé. Dans quelques instants, ce sera Les Coups des Franches, l'émission d'actualité d'affaires publiques. Ça sent bien. On se quitte avec une pièce de Galaxy Portugal, et on se retrouve demain à 6h30. Bye bye!